Kim. Oh, elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brûle magnifique. Premier mot, premier ils sont champions de France. Regarde. Où la bataille était le match. La bataille le match, ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport and Chill. Nous sommes à la cinquième émission de cette saison 4 et nous sommes le lundi 8 octobre évidemment. Ce soir, 4 chillers qui sont avec moi. Il y a Romain et Guillaume qui sont à ma droite. Salut les gars. Bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Et à ma gauche, Alex, Alexandre, ainsi que Tim. Salut les gars. Salut à tous. Bonsoir. Première de cette année, Alex. Hein. Exact. C'est le comeback. Hein. Un petit stress, pas du tout. Non. J'ai pris la pluie, mais sinon tout va bien. Bon, ça Alex va. Qui nous fait le Mamadou Sakho. Hein. C'est retour au bercail. Hein. Voilà. Et paraît-il qu'il est affûté comme jamais. Ouais, pas d'aggrossissant, là, je sais pas quoi. Bon, grave bizarre là. On va pas continuer là-dessus. Ce soir en pêle-mêle, le top 14, la première ligue, la saison toujours tournée asiatique au tennis, les sports mécaniques qui ont lieu, donc plusieurs sports mécaniques ce week-end, le handball et notamment la Champions League, ainsi que de nombreux autres sports dont nous parlerons. Tu peux nous dire d'ailleurs, Romain, les trois sports dont nous parlerons ce soir. On parlera de cyclisme de manière assez courte ce fois-ci, et on parlera un peu de sports dont on parle pas souvent. Tiens, le triathlon et aussi bien sûr, bon, ça le fait choc. Buzz. On verra si ça doit faire plus que le buzz. Le choc McGregor Khabib en MMA à UFC. Ça a 11 ans. En sport montpelliérain, le bilan est plus que positif avec 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite ce week-end. Propre. Et nous recevrons, c'est surtout l'importance de ce soir, c'est on recevra 3 invités pardon, golf ce soir avec 2 jeunes du pôle espoir au Krebs, Nathan et Maxence, ainsi que David Niel qui est un passionné de golf, qui viendra nous parler aussi de la Ryder Cup puisqu'il y était cette année, qui avait lieu en France, on le rappelle. Paris, et ouais. Ce soir, le duel, tant attendu évidemment, le retour du duel cette semaine entre Alexandre et moi-même. Nous parlerons du rugby, notamment du top 14. Est-ce qu'il devrait saigner. Est-ce qu'il devrait avoir une réduction de club en top 14, et on en parlera en deuxième partie d'émission. Donc quant à nous, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport and Chill, les résultats. Et on va commencer, si tu le veux bien, Romain, avec le top 14 cette semaine. Je le veux bien. Avec son beau suite Pix Saint-Loup rugby, là, que vous pouvez pas voir, parce que c'est pour ça. C'est auditif. Vous pouvez le voir dans le live. Voilà. C'est ouais. L'occasion de rappeler qu'il y aura le live durant l'interview golf. En effet. Donc, le top 14, effectivement, et on en viendra au Pix Saint-Loup lors de la rubrique dédiée au sport montpelliérain. Mais je voulais parler avant cela de deux autres matchs, notamment, qui étaient deux des gros chocs de cette journée de top 14. Tout d'abord, La Rochelle AS Clermont-Auvergne, qui était le match en ouverture de cette journée, de cette septième journée, qui a vu la victoire des Maritimes 16-12 à Marcel de Flandre face au leader Clermontois. Donc deuxième défaite de la saison pour l'AS Clermont-Auvergne, qui pouvait être attendu, hein, sachant que La Rochelle est souvent une équipe très efficace à domicile. Il l'avait d'ailleurs prouvé contre Clermont la saison passée. Malheureusement, je pense que ce match, pour ma part en tout cas, était d'autant plus attendu qu'on avait deux équipes joueuses qu'on pouvait voir évoluer sur le terrain. Et on a eu un match haché, on le voit encore aujourd'hui, c'est lié aux conditions climatiques, hein, sous le déluge. Un combat de tranchées marqué par une importante indiscipline. Un carton jaune pour le Stade Rochelet, 2 cartons jaunes et 1 rouge pour Clermont. Finalement 2 essais pour Clermont face à 1 seulement pour La Rochelle, mais meilleure gestion de La Rochelle sur l'ensemble du match qui s'est appuyé notamment sur une mêlée en réussite et le soutien de son public pour l'emporter dans ce match de prestige. Un autre match dont je voulais parler, c'était le match du dimanche midi entre le Stade Français et le Castres Olympique, qui avait lieu au stade Pierre-Antoine de Castres. Belle performance du Stade Français qui s'est repris après sa défaite dans le derby franciliens contre le Racing. Ce même Racing, on aurait pu aussi en parler, hein, qui a été défait d'ailleurs à domicile cette fois-ci, comme quoi les semaines se suivent et ne se ressemblent pas par Lyon, à Paris La Défense Arena 19-13. Mais le Stade Français, donc, qui s'est bien repris et qui est parti pour réaliser une belle saison. Il s'impose à Castres, où c'est difficile de s'imposer, sur le score de 14-9, dans un match qu'ils ont dominé dans la majeure partie du match, s'appuyant sur une bonne conquête et avec un bel essai de Julien Arias, toujours là, hein, cet ailier parisien. Et je pense aussi à un échec côté castré qui peut être dû, en partie hein, du moins, à l'absence désormais, et ça va être le cas pour plusieurs matchs, de leur ouvreur, Benjamin Rodapileta, qui a manqué indéniablement dans ce match contre le Stade Français qui se replace. On l'embrasse. On l'embrasse, on l'embrasse. Je ne sais pas justement si vous aviez, Alex, peut-être des réactions sur ces matchs du week-end. Moi, je voudrais souligner la belle perf du Loup, qui va quand même gagner à la U Arena. Enfin, un très bon début de saison. Mignoni, depuis qu'il est arrivé, il a fait monter cette équipe de Pro D2 à top 14. Demi-finale, hein, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, etc. Oui. Là, ils font un très bon début de saison. Moi, j'ai quand même envie de souligner aussi, même si c'est une défaite, les progrès de l'USAP. Parce que bon, c'est quand même le club aussi régional. Je pense que... Ça t'arrache de le dire en tant que Pitérois, hein. Oui, un petit peu, mais non. Non, mais... Défaite 12 à 9 à Pau, pour l'instant. Voilà, mais ils donnent les points, il leur manque pas grand-chose. Moi, j'ai quand même espoir, j'aimerais bien qu'ils se maintiennent, ou du moins qu'ils soient barragistes, et je pense que ça peut le faire. On voit qu'ils prennent pas des fessées à tous les matchs, donc... Surtout contre Montpellier, ils auraient mérité quand même un petit peu mieux. Contre Montpellier, ils auraient totalement mérité de gagner le match, hein. Y a rien à dire. Ouais. Moi, j'irai pas jusqu'à forcément mériter de le gagner, mais en tout cas, comme Paul l'avait rappelé sur la fin de match, ils étaient revenus très très fort. Et si on avait joué un petit peu plus longtemps, l'USA pourrait sans doute sa première victoire de la saison. Voilà. Après sur ce match contre Pau, de manière très brève, voilà, il y a eu une indiscipline encore, en tout cas dans le money time, qui a coûté cher, hein, sur la dernière pénalité qui donne la victoire à Pau, alors que Perpignan était parvenu à revenir à 9 partout. Mais c'est des progrès, notamment des progrès à l'extérieur, alors que loin de leur base, ils avaient vraiment pas fait de bons résultats jusqu'à présent. Donc encourageant pour la suite. Dans les autres résultats, Grenoble, c'est un posé contre l'Union Bordeaux-Bègles 28-25. Le Stade Toulousain, dans un match assez triste du samedi soir, s'est imposé contre le SU Agen 10-0. C'est peu de le dire. Voilà, premier essai en première période et puis plus grand chose finalement, et on y reviendra plus tard, mais c'était plus pour en parler du côté de Toulon. La défaite de Toulon à Montpellier 29-17. Du côté du classement, l'AS Clermont-Auvergne garde la tête malgré sa défaite avec 25 points, suivi du Stade Français et du Loup, donc les deux équipes en forme dont on venait de parler. Montpellier se replace à la 4e place, et Castres et le Stade Toulousain, les clubs du Sud-Ouest, complètent ce top 6. En difficulté actuellement, le RCT derrière Grenoble désormais, planté à la 12e place avec 5 défaites en 7 rencontres, et aux deux dernières places Agen avec 9 points, tout comme Toulon 12e, et puis malheureusement on le disait, l'USAP avec du mieux, mais qui est bon dernier avec aucune victoire pour l'instant après 7 journées et 3 malheureux petits points de bonus défensif. On a encore un petit peu de temps pour parler rugby. Comment on peut expliquer la mésaventure, on va dire, du RCT cette année, qui est pointé comme une 12e place, méritée ou pas, selon vous, cette place? En tout cas, moi, je suis un petit peu étonné de ce début de saison du RCT, qui a des... Alex me dira ce qu'il en pense, mais qui a des joueurs de qualité, hein, voilà, mais le talent ne fait pas tout. Savea, qui pour le grand public, comme moi, Julian Savea, oui. Si je ne me trompe pas, le All Black, qui a un avenir pour les Néo-Zélandais, et, ouais, oui, c'est un qui rentre en jeu seulement. C'est un des joueurs ayant marqué le plus d'essais ces dernières saisons avec les All Black. Ouais. Maintenant, en Europe, effectivement, il ne joue plus avec ceux-ci qui ont un réservoir de joueurs, on l'a encore vu d'ailleurs ce week-end, considérable, qui leur permet de prospérer sans problème, hein. Mais Julian Savea, je pense à Fekitoa, qui a été remplaçant, hein, ce week-end, mais qui est aussi un très bon joueur côté All Black. François Trinduc en premier centre, qui est plutôt un beau joueur, hein, qui a encore montré ses qualités dans la défaite malgré tout, sur le terrain. Il y a des bons joueurs, il y a un effectif intéressant. que je vois à un moment donné se relever. Il y a un nouveau coach aussi. Alors ça, ça peut être à la fois intéressant pour eux, comme quelque chose qui aussi le, crée de la difficulté. C'est-à-dire que Patrice Collazo est un entraîneur reconnu, qui a fait la réussite du Stade Rochelet, notamment ces dernières saisons. Il vient d'arriver. Pour le moment, les résultats ne viennent pas. C'est un petit peu inquiétant, quand même, hein, on peut le dire. Hein. Toulon qui gagne 2 matchs sur 7, c'est très rare. Qu'est-ce qu'il en dit, le président ? Est-ce qu'il fait une Valdemarquita et il intervient dans les affaires du club ou pas ? Il n'a pas intérêt quand même, parce que il y a deux saisons, c'était quand même un petit peu catastrophique, tous les changements d'entraîneur. Donc maintenant, après Bocella a souvent parlé de son équipe, souvent intervenu dans les affaires du club quand même. Enfin, du club. Oui. De l'aspect sportif, lui. Hein. Ouais, il s'en cachera pas s'il le faut, mais je pense que. Vers novembre, à la rigueur. Voilà. Pour le moment, il temporise. D'accord. On sait que ça va être un week-end, notamment de Coupe d'Europe, qui va démarrer. Ça peut les relancer. Newcastle, ça peut peut-être les relancer, à la fois en démarrant bien sur la scène européenne et après peut-être un déclic pour la suite du top 14. Mais oui, leurs résultats sont assez inquiétants. Là, ils avaient mis la grosse équipe à Montpellier. Ils ont montré des belles choses dans la défaite. C'est finalement un de leurs meilleurs matchs. Mais malheureusement, Toulon est à cette inquiétante 12e place. Et le discours de Collazo, je ne sais pas s'il passe pas. On n'est pas dans les vestiaires. Mais en tout cas, ne porte pas ses fruits pour le moment sur le terrain pour le RCT. Très bien, on finit sur Toulon et on va passer au tennis et toujours la tournée asiatique qui continue pour toujours le meilleur et pour le pire. Hein. Surtout pour le pire, finalement. C'est à moi là ? Oui, d'accord. Toi, je croyais que tu avais un autre résultat, mon Romain. Non. Tennis. It's your time. Pour vous faire un bref retour des deux tournois asiatiques la semaine passée, il y avait. Merci. Il y avait donc Tokyo et c'est fini, on enchaîne. Non, il y avait Tokyo et Pékin, deux ATP 500 quand même, qui sont la deuxième catégorie la plus importante des tournois derrière les Masters 1000 et les Grands Chelems, bien sûr. Et deux surprises à noter, puisque Dmitry Medvedev a battu Nishikori, le local 6-2, 6-4. Et dans l'autre tournoi asiatique à Pékin, c'est Basilashvili qui est venu à bout de Del Potro assez facilement 6-4, 6-4. Donc deux surprises, puisque c'est seulement le deuxième titre pour Basilashvili et Medvedev qui remporte là son premier tournoi de l'année. Et chez les femmes, c'est Wozniacki qui s'est imposé à Pékin 6-3, 6-3. A noter que Wozniacki, c'est la seule joueuse avec Osaka à avoir gagné un Masters 1000 et un Grand Chelem en 2018. 30e titre pour Wozniacki. Exactement, 30e titre. Bon, la taxe de rien gagner, bon, quand même. Ouais. Elle fait un très gros tournoi. Elle fait un très gros tournoi, elle prend 1000 points, puisque c'est un peu compliqué le tennis féminin. C'est un premier mandatory, c'est-à-dire que c'est un équivalent de Masters 1000, donc elle prend 1000 points à l'ATP. Donc elle peut être vraiment sereine pour les Masters de fin d'année. Au contraire de Caroline Garcia, et c'est mon gobelet de piste de la semaine hein, pour Caroline Garcia, je n'avais pas peur de le dire, puisqu'elle jouait contre Sabalenka, qui est une joueuse plutôt en forme, oui. Et elle menait 1-7-0 et 5-2, et devinez le score final, elle a pris 5-7, 7-5, 6-0, avec une balle de match. Donc je ne sais pas quel est le projet de carrière de Caroline Garcia, qui pour le coup passe de la 7e à la 16e place, donc il ne sera pas au Masters de fin d'année. C'est plutôt une régression pour Caroline Garcia, oui, que je trouve assez inquiétante. C'est carrément une régression, mais je pense que elle s'est trop mis la pression avec ses 1500 points, je crois, à défendre. Ouais, parce qu'elle avait gagné deux tournois chinois l'année dernière, deux à Wuhan et je sais pas. Consécutifs. Et elle a fait deux first d'ailleurs cette année. Donc elle perd énormément de points. Elle perd beaucoup de points. Elle est tombée à la 16e place. Ouais. 16e place. Le problème, c'est que elle aura pas le temps de récupérer des places pour s'offrir un bon tableau pour l'Open d'Australie. Donc elle sera tête de série 13-15 par là avec ouais, les forfaits. Elle risque de prendre très vite les top joueuses. Et comme ça, tu progresses pas, à part de faire un exploit qu'elle ne fait que rarement. Ouais, et puis son objectif c'était de faire demi-finale de Grand Chelem, chose qu'elle a jamais faite. Et si elle continue comme ça, on voit pas comment c'est possible. Y a pas de progression dans son jeu. Là où elle était forte mentalement, ça devient un point défaillant pour elle. Donc moi je pense que le fait de garder sa cellule familiale avec son père. Trop proche, il faudrait quelqu'un d'extérieur. Ouais, je pense qu'il y a une limite. Alors, il y a le contre-exemple Wozniacki, évidemment, qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné un grand chelem. Mais Wozniacki, je pense qu'elle a plus de talent intrinsèque que Caroline Garcia. Oui, il y en a d'autres, des exemples avec des. Et les Sir Williams, même si Serena s'est détachée avec Mouratoglou. Mais voilà, je pense que pour franchir un cap, parce que niveau du jeu, elle l'a. toutes les qualités. Mais il faudrait qu'elle trouve une aide extérieure. Il va falloir un déclic, ouais. Pour les autres résultats, c'est le Masters 1000 de Shanghai donc, qui a commencé. À noter que les têtes de série n'ont pas encore joué, donc si vous me demandez les résultats de Nadal, Djokovic, Federer, rendez pas fou parce qu'ils n'ont pas encore joué. Alors, Tsitsipas a battu mon fils, 7-6, 4-6, 6-4, un gros match de mon fils mais qui s'incline au final. Cecchinato a battu Gilles Simon, 6-7, 6-4, 7-6, donc on est sur deux éliminations de Français. Il se rappelle à notre bon souvenir, Cecchinato, ouais. De Roland-Garros. Qui est quand même toujours numéro 21 mondial, donc ça paraît anecdotique mais c'est quand même assez incroyable. Qui profite hein, parce qu'après Roland-Garros... Vrai, il a absolument pas confirmé, et quand même quelques surprises, hein, élimination de Kyrgios par Klan, un joueur largement à supporter qu'il a battu. Koric qui a battu Wawrinka, 4-6, 6-4, 6-3. Koric qui va affronter les Français en Coupe Davis. Ouais. Qui sera joueur numéro 2, je vous le dis, ça va pas être facile. Hein. Et Wawrinka qui n'y arrive plus. Hein. Non. Bah, il était un peu revenu, il a fait finale à Saint-Pétersbourg contre Klizan. C'est un peu inconstant. Là, il est revenu dans le top 100, bien sûr, parce qu'il était numéro 360 il y a encore 3 semaines. Case de blessure. Ouais, il est venu avec une wildcard. Ça va être compliqué, mais ouais. Il a 33 ans. Hein. 33 ans, ouais, je pense que c'est sûr que son petit ami est derrière lui. Il faut atteindre au moins un an hein, pour qu'il revienne à un bon niveau, hein, moi je pense. Bah, on verra. On verra dès l'Australie. Hein. S'il n'arrive pas en Australie, c'est inquiétant. Il est quelques autres matchs. Kachanov qui a battu Steve Johnson. Fuxovitz a battu Zumur. Élimination de Schwartzman par Sam Querrey. Qu'est-ce que j'ai encore ça. Ouais, c'est passionnant. Je vous ai épargné le tournoi russe en 250 chez les femmes. Non, hein. Je me suis dit que vous en passeriez volontiers. Et voilà, je termine. Parfait. Et voilà. Et après, il y a quelques matchs, mais qui seront cette nuit qu'on verra dans l'agenda. Juste pour signaler que, bon, même si on se déverse un peu de notre malheur sur nos Français, Richard Gasquet a quand même fait une semaine tout à fait correcte en allant chercher la demi-finale. Il n'a pas encore joué, il va jouer contre l'Argentin ailleurs. Allez, Richard, on y croit. À noter qu'il a battu Kevin Anderson et rappelle-moi. Kyrgios, il a été éliminé par Medvedev. Kyrgios Anderson, ouais, éliminé par Medvedev, il gagne le tournoi derrière. Donc c'est tout à fait correct, c'est propre. Et puis oui, petit retard à l'allumage de team, effectivement. Par exemple, nous ne parlons plus Four Nations. Il y a eu des matchs, des très beaux matchs que je vous conseille juste de regarder en rediffusion. Mais on avait déjà le résultat final et presque depuis bien longtemps. On parle de tout. Hein, donc, d'ailleurs, je te laisse continuer avec les résultats des sports mécaniques. Et il y en a eu ce week-end. Des sports mécaniques, effectivement, il y en a eu. On a pas mal parlé Formule 1 la semaine dernière, vous vous en rappelez. Plus forcément de surprises maintenant. Voilà, les surprises risquent de ne pas venir dans cette de saison avec le GP de Suzuka au Japon qui a vu la 80e pole pour Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. C'est d'ailleurs le podium du week-end lors de la course, avec une victoire sans surprise de la Mercedes de Lewis Hamilton devant Bottas et Verstappen pour les Red Bull. Vettel était parti trop loin en qualification, il termine 9ème, carrément en 6ème place lors de la course, mais bon, c'était trop dur son pour accrochage lui. De début de course au 8ème tour, là, celle-là. C'est fatal. Et puis assez symbolique aussi, par rapport à ce dont on parlait sur la saison de F1, de voir le classement justement avec les deux Mercedes suivis des deux Red Bulls cette fois-ci et des deux Ferrari. C'est tant mieux pour Pierre Gasly pour l'année prochaine, sa voiture part sur des bonnes bases. Même les Français, hein. Franchement, les Français, Grand Prix du Japon, moi je trouvais qu'ils avaient été. C'est parfait pour ma transition, parce que la semaine prochaine dans Sports & Field, c'est le débat Formule 1 avec est-ce que les Français peuvent se remettre à gagner les GP. Donc ça sera le débat de la semaine prochaine. Est-ce qu'on inclut Charles Leclerc? Non. Si, on va l'inclure. Ça reste un francophone. C'est vrai que je l'ai entendu parler à la radio de son équipe en anglais quand il se plaint de la manœuvre de Magnussen. Ah, il a un accent très école très française. Très franchouillard. Oh là là. D'ailleurs, juste pour le préciser, sur ce Grand Prix, côté français, à noter la 8ème place de Romain Grosjean, qui était parti 4ème sur la grille, mais bon, qui a fait ce qu'il pouvait. Avec sa voiture, il fait ce qu'il peut. Ouais, la voiture, elle reste une course dans les temps qu'il peut faire. Qui a fait ce qu'il pouvait sur ce Grand Prix. Esteban Ocon est 9ème, Pierre Gasly 11ème. Et donc, on en parlait, le monégasque Charles Leclerc, au volant de son Alfa Romeo, a dû abandonner au 38ème tour. Et donc, ne finit pas ce GP. Ce qui fait qu'Hamilton s'échappe au classement des pilotes avec 331 points. et sur une série de victoires consécutives assez incroyable. 4 GP d'affilée, je crois. Ouais. Ouais. Et il est déjà 9 Grands Prix remportés cette saison, donc tout va bien pour lui. Il reste 4 Grands Prix, donc bien sûr, il est suivi au classement de Vettel et Bottas. Le prochain, ça va être Mexico, non ? Le prochain, non, c'est les États-Unis. États-Unis, Mexique, ouais. Bon, si, Brésil. Si, non, mais s'il gagne aux États-Unis, normalement, c'est plié. Oui. Et donc Mercedes, bien sûr, vu ce que je vous dis, continue à survoler le classement des constructeurs. Dans le cadre, en bref, des autres sports mécaniques, on avait de la moto GP, restons sur les circuits, avec le GP de Thaïlande, pole position et victoire finale pour Marc Marquez. Sans surprise aussi, j'ai envie de vous dire, même si le scénario de course a été intéressant, il s'impose devant Dovizioso et son compatriote Maverick Viñales, alors que Rossi, deuxième sur la grille, est allé chercher une quatrième place. Côté français, Johan Zarco fait cinquième. Et pourquoi je vous disais ça sur le scénario de la course, juste parce que bien sûr on a eu une démonstration de force à nouveau de Marc Marquez, mais qui a subtilisé la victoire à l'italien Dovizioso dans le dernier tour du circuit thaïlandais, et qu'il s'est imposé avec seulement 115 millièmes d'avance sur le pilote Ducati. Au classement, par contre, sa victoire commence à s'affirmer, sachant que Marc Marquez est en tête avec 271 points devant Dovizioso 194 points et Valentino Rossi à 172 points. Dernier sport mécanique à évoquer ce soir, c'est le rallye de Grande-Bretagne, donc la WRC, surtout qu'on a eu une victoire française ce week-end, la victoire de Sébastien Ogier au volant de sa Ford Fiesta RS, devant les Finlandais Latvala et Lapi. Fin de rallye remarquable du français qui a été délogé de la première place par Latvala après les deux premières spéciales de dimanche, et qui après a fait un festival sur la fin du Grand Prix et remporte son cinquième succès en Grande-Bretagne, ce qui était une performance jusqu'ici jamais réalisée en WRC. Il remonte ainsi, ce qui est intéressant ce week-end, à la deuxième place du championnat du monde, à 7 points de Thierry Neuville et avec une marge de 14 points sur l'Estonien Ott Tänak, qui a pas très bien figuré ce week-end. Donc Sébastien Ogier est tout à fait en mesure éventuellement d'aller nous chercher un titre en WRC à nouveau, alors que se profilent les deux derniers rallyes de la saison en Espagne et en Australie fin octobre et à la mi-novembre. Et très quatrième victoire de la saison du coup pour Sébastien Ogier après Monte Carlo, le Mexique et le Rallye de France en Corse. Très bien, on va passer à un sport que l'on connaît plus, à savoir le football. Et on a fait un focus sur la Liga la semaine dernière. On va faire un gros focus cette fois-ci sur la première ligue anglaise, avec peut-être des surprises, voire pas du tout. Je vais vous énumérer déjà les résultats. Vendredi, ça a commencé avec la victoire de Brighton sur West Ham 1-0. On va passer sur les petits matchs. Ouais, on va passer sur les petits matchs. Everton qui gagne, demain Leicester, Tottenham qui bat Cardiff 1-0. Mmh. Gros match de Lloris apparemment. Ironie ou pas ? Non, vraiment, il a fait un gros match. Il a pris 8 sur 10 de la part de tabloïd anglais. Bah, il s'est bien remis de sa boulette contre le Barça. Tout à fait. Le comeback, peut-être le comeback de la saison pour Flo. Pour Man United. Pour Manchester United qui bat Newcastle 3-2 après avoir été mené 2-0 après 10 minutes. Et dimanche, les 4 grandes équipes qui jouaient. Arsenal qui s'est imposé chez son voisin Fulham 5-1. Chelsea qui gagne à Southampton 3-0. Et la montagne qui a accouché d'une souris, le choc Liverpool-Manchester City. Tout à l'heure, il a fait une expression bizarre aussi. Hein. Enfin, oui, c'est vrai. Il a fait un poncif, donc j'ai le droit. La montagne qui a accouché d'une souris. Je n'ai rien dit. Parce que je t'ai vu rigoler. C'est extraordinaire. Ah, avec Mahrez qui rate un penalty quand même. Hein. Avec Mahrez qui rate. Il rate pas, il massacre un penalty. 0-0 donc entre Liverpool et City. Au classement, Liverpool, Manchester City et Chelsea sont en tête avec 20 points. Arsenal est 4e avec 18 points. Arsenal 4e. 6 victoires d'affilée. Ouais, enfin ça va, Fulham, ils ont guis ça, calmez-vous. Et Jean-Michel Seri. Et ouais. Donc, on a parlé du comeback de Manchester. Est-ce que pour vous, José Mourinho a sauvé sa place à la tête des Red Devils sur cette victoire ? Très temporairement. Non, je pense que c'est qu'une question de temps. Quelle que soit l'issue, certains tabloïds disaient que selon l'issue contre Newcastle, il allait se faire éjecter. J'en suis pas sûr du tout. Je pense que c'est une question de temps. Ça peut être une question de semaine. Mais par contre, je pense que la décision est actée. Il va partir. Alors, c'est même pas des tabloïds, c'est la BBC qui disait qu'il allait partir. La BBC notamment. Mais je pense que oui, okay, c'est terminé pour Mourinho. Il a fait un speech assez incroyable en conférence de presse. Un monologue de 3-4 minutes. J'ai trouvé ça un peu indécent après, au vu de sa situation. Le mec gagne un match à la 90e. Ouais, mais voilà. Il vient faire son. Bah, c'est pas la première fois qu'il fait des indécences. Il ne lui reste plus que ça de toute manière. Hein. C'est, plus, ouais, c'est plus le manager numéro 1, ça ne le sera plus. Non. Il lui reste que son style, hein, après. Mais voilà, là, c'est le, j'ai l'impression que Mourinho fait du mauvais Mourinho. Le personnage qu'il avait créé, qui était assez séduisant au début, et peut-être aussi parce qu'il gagnait et qu'il avait gagné avec des équipes différentes, là aujourd'hui c'est redondant et c'est lassant. Il devient insupportable en fait. Après, sa tactique maintenant elle marche plus dans le football actuel. Hein. Tu peux rien faire. Ouais, hein. Non, pour moi il est obsolète ce gars. Ce gars est fini pour moi. Moi je pense qu'il faut qu'il prenne une sélection. Peut-être, ouais. Pas bête. Dans le style de Manchester qui a toujours prôné le, bon, il y a quelques années, qui a toujours prôné le beau jeu, Mourinho, autant pour le meneur d'hommes qu'il était peut-être, était intéressant pour Manchester, autant pour la tactique, ça ne colle pas du tout au club. Non, ça n'est jamais collé au club. Donc, et pourtant il y a encore des soutiens, hein. J'ai vu derrière lui, pile derrière lui, il y avait une bonne rôle United with Mourinho, mais sa famille, les supporters d'Old Trafford sont quand même bien à part des supporters de Manchester. Oui, dans le monde, ouais. Dans le monde, les supporters d'Old Trafford, c'est un microclimat là-bas qu'il y a, donc c'est un microcosme. Je ne sais pas comment est-ce que ce sont les vrais supporters déjà qui vont au stade, c'est authentique, rien n'est moins sûr, dont 20% sont des Sikhs qui viennent d'Inde, donc en effet, c'est quelque chose de spécial, Old Trafford. Ouais. Donc, il ne faut pas croire les supporters Old Trafford. Pour le coup, tu dis que c'est les Sikhs, mais pour le coup, c'est Manchester United qui est malade. Hein. Cadeau, celle-ci. Allez, on emballe. On va passer sur Arsenal. Hein, on va passer sur Arsenal. Arsène Wenger doit partir d'Arsenal. Justement, on parlait de maladie. Arsenal n'est plus malade. 9e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Arsenal joue-t-il le titre? Oh là, calme-toi, c'est Fulham en face. Hein. Alors, la série est quand même incroyable. Je trouve qu'elle est un peu sous-estimée, cette série, parce que ils ont pris deux gros favoris. Ils ont pris City et Chelsea les deux premiers matchs. Donc après ces deux premiers matchs qui sont soldés par deux défaites, les critiques ont été assez saillantes, je trouve, sur Unai Emery, très très précoce. Et derrière, ils rebondissent très bien. La série est quand même belle. Hein. 9 victoires consécutives, c'est propre. Et le problème dans ces 9 victoires, c'est qu'ils ont joué des peintres, soyons honnêtes. Bah après, moi je pense que Fulham fait quand même un début de saison pas mal, prometteur. C'est pas des peintres, Fulham, je suis pas d'accord. Ils sont en fin de classement. Je suis peut-être sévère, mais ils ont pas joué. C'est pas Watford plutôt. Top 4 contender, comme on dit. Ouais, ça a aussi gagné contre Watford. Watford qui fait un bon début de saison. Ils ont pris 4-0 ce week-end. Contre une équipe en forme aussi de cette saison, Bournemouth. Beaucoup d'équipes en forme, mais dis donc, les 20 équipes sont en forme. Non, non. Moi, justement, ce que je veux dire par là, c'est que moi, justement, vous le savez, plus adepte du football espagnol, je me régale en ce moment avec cette première ligue. Ah bon? Que je trouve même plus intéressante que d'autres années, je vous le dis. Et pour revenir à ta question sur Arsenal, moi je trouve qu'effectivement, à la fois, il faut se méfier, lorsqu'ils ont eu des gros chocs, ils sont passés au travers, et après ils ont eu des petites équipes. Contre Chelsea, c'est sévère. Hein. Oui, c'est le 2-0 est sévère. Le scénario est dur. Mais bon, voilà, ça accouche malheureusement pour eux de deux défaites, ce qui est assez usuel pour Arsenal ces dernières saisons. Après, ils jouent des équipes qui sont pas il faut quand même prendre les grosses équipes, mais pour les citer, c'est West Ham, Cardiff, Newcastle, l'Europa League, Vorskla, voilà, Everton, Brentford en League Cup et Watford, Carabag en Ligue Europa et Fulham pour le dernier. Je suis désolé, Watford, Fulham, Everton, c'est loin des équipes dégueux. C'est des équipes moyennes bien. Hein. Everton à part Leighton Baines. Yes. Ils ont Richarlison, Bernat. Et Leighton Baines. Bernard, pardon. Everton quand même. Déception les débuts de saison. Comme chaque année, les pauvres. Après, il en reste pas moins que on est sur une série où on dit bien 9 victoires consécutives. Ah, il faut les faire, ça. Il faut les faire. C'est pas juste qu'ils n'ont pas perdu contre ces équipes. C'est une victoire 5-1. Et voilà, moi je voulais parler notamment de ce match. 5-1, ça reste 5-1. C'est à 5-1 à l'extérieur, avec deux doublés pour leurs attaquants vedettes au domicile, vu que ça la casette. Le but de Ramsey est un bijou. Magnifique. Magnifique. Très bon. Collectivement, et la finition. Après, malgré le côté super positif sur Arsenal, moi, c'est pas que je trouve pas cet Arsenal séduisant, je le trouve en ce moment assez séduisant, mais c'est que je pense que les autres équipes de Première Ligue, on a parlé, qui jouent la première place actuelle, même ils sont ex aequo à la première place, que ce soit, bien sûr, City, Liverpool, ça date même de la saison dernière, ou Chelsea, le Chelsea de Mauricio Sarri, sont au-dessus, pour moi, de cet Arsenal-là, et le resteront toute la saison. Je pense qu'il y a aussi un objectif peut-être modeste qui peut être atteint, c'est déjà de finir devant le rival, Tottenham, ce qui n'était pas le cas les dernières saisons, déjà, ce serait pas mal, et finir avec des champions. Pour moi, c'est vraiment jouable. Dernière question peut-être pour la Première Ligue et très rapidement. Oui, voilà, on pouvait pas ne pas parler du match Liverpool-Manchester City. Un triste 0-0 où les défenses ont pris le pas sur les attaques, comme on dit. Très bon match de Lovren Van Dijk et de la charnière de City. Moi, je regarde que Liverpool. La Porte Stones, ouais. Oui. 0-0, déçu. Oui, ou alors ceux qui aiment la tactique ont été comblés. Ouais, je pense qu'on peut être quand même déçu quand on voit les... Mourinho était comblé. Oui, sans doute. Mais quand on voit offensivement ce dont est capable tant Liverpool que City... Pas le spectacle escompté, quoi. Voilà. Et puis en plus, moi je pense aux dernières semaines, c'est un peu récurrent sur les grands duels dans les championnats européens. Je pense à la Real Atlético. Real Atlético, il y a 0-0 aussi. Ouais. Alors je vois bien, il y a des 0-0... C'est propre à la Première Ligue tout de même. Il y a des 0-0 intéressants. Pourquoi pas dire. Mais enfin comme Nîmes Rennes ce week-end. Non, sûrement pas. Mais quand tu disais voilà sur la tactique intéressant, oui c'est vrai. Mais bon quand même quand on a un 0-0 entre City et Liverpool, on s'en satisfait pas. Cette question je l'ai posée à dessein puisque Klopp est connu pour réussir face à Guardiola. Guardiola semble avoir trouvé une réponse. Et là on a vu vraiment que tactiquement il y avait un vrai combat entre les deux entraîneurs. Guardiola a annihilé les points forts de Liverpool et Liverpool a annihilé, mais ça c'est depuis quelques matchs, les points forts de Manchester City. C'est vrai que Klopp Tactiquement pour ceux qui aiment ça, je pense qu'il y en a qui ont trouvé leur compte. Ouais, non, je pense que ça reste un match intéressant. Ouais, parce que je suis supporter de Liverpool aussi. Mais voilà, de voir ce match quand même sans vainqueur et en tout cas sans but, bon, un petit peu décevant à l'image. Bon, c'était pas une purge non plus. Hein. De ce penalty, comme tu disais, qui est terrible de Riyad Mahrez. Il y avait Monaco en même temps. Ouais. Voilà, le choix était vite. Ouais, c'est sûr. Romain, je te laisse finir. On parlera sûrement pas handball puisqu'on n'aura pas le temps. Mais je te laisse finir sur les autres sports. Alors, sur les autres sports, on va démarrer par le cyclisme, comme ça ce sera fait, avec une classique qui avait lieu ce week-end. Donc, je le reprécise, c'est bien la classique des feuilles mortes. Paris-Tours, la bien-aimée. Avec un scénario de course au moins intéressant, qui n'a pas nécessairement fait l'unanimité, mais avec une expérimentation sur le nouveau parcours, avec des chemins de vigne et plusieurs côtes ajoutées à un parcours de Paris-Tours généralement très, très linéaire. Ça n'a pas fait l'unanimité, ça. Non, mais c'était bien. Mais moi personnellement, pas forcément pour les coureurs ou les directeurs sportifs, j'ai trouvé ça intéressant, avec un petit côté Paris-Roubaix parfois, parce que certains disent c'est que... Strade Bianchi. Il y a eu plutôt Strade Bianchi, d'ailleurs, tu as raison. Un beau vainqueur en plus. Il y a un beau vainqueur, il y a eu des aléas de course... des crevaisons, tout voilà, ça. Voilà, important, c'est ça d'ailleurs qui a été non apprécié par moi, ça a été le cas, et donc on a vu la victoire de Søren Krag Andersen, pas forcément très connu, mais qui a été second l'an passé et qui est un des grands espoirs du cyclisme danois, devant Niki Terpstra. Et pour dire un petit mot de nos Français, un Français, Benoît Conefroy, de l'équipe AG2R, qui est un ancien champion du monde espoir, et par contre qui n'ira pas passer ses vacances avec Terpstra, on a pu le voir dans le final. Oui, ça c'est sûr. Où ils n'ont pas réussi du tout à se mettre d'accord. Terpstra, ouais, il est détesté de tout le monde. Personne ne va passer des vacances avec des Hollandais, de toute façon. Oui, ouais, je crois qu'à part Moscone, il n'y a personne qui fait pire. Hein, donc Oui, c'est vrai que assez grand coureur de classique, mais assez détestable. Le top 5, je le complète parce qu'il y a un autre Français, donc 4e Oliver Nassen d'une équipe française, la même que Benoît Conefroy, la G2R mondiale. Le Belge. Et 5e, Valentin Madouas de l'équipe Groupama FDJ, qui est aussi un coureur français qui sera à revoir. En tout cas, une belle victoire pour le coureur danois de 24 ans qui est promis un bel avenir chez l'équipe Sunweb. Qui était maillot blanc sur le tour cette année. Oui. Pendant quelques jours. En effet. Et donc, dernier élément à donner sur cette course, c'est que Sylvain Chavanel était présent et que c'était sa dernière course professionnelle. Donc, c'était l'occasion de le voir, en tout cas, dernière course en ligne. On l'embrasse. Bonne retraite, dans les, Sylvain, si tu dans les autres sports dont on voulait parler, il y en a deux autres. On va rester sur un sport où ça pédale avec le triathlon. On a eu un week-end de triathlon intéressant. C'est la fin de saison, bien sûr. Mais c'était le championnat d'Europe des clubs chez les élites et les jeunes ce week-end. Et c'est le club de Poissy Triathlon, alors ça vous allez me dire, tiens, on s'y intéresse pas forcément, mais qui l'emporte dans ces championnats d'Europe. Mais pourquoi je le cite? Parce que notamment en relais mixte, c'était composé par Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot qui sont du Krebs de Montpellier, et donc de ce club de Poissy Triathlon. Ah, donc relais mixte complété par Anthony Pujade et Aurélien Raphaël, et c'était du côté de Lisbonne. Après après une autre victoire importante côté français, c'est un homme en forme du sport français, même j'ai envie de dire actuellement, c'est Vincent Louis qui à Charlotte en Caroline du Nord, dans le cadre de la Major League de triathlon, l'a emporté. C'est un deuxième week-end parfait pour le champion français qui finit en fanfare cette fin de saison, sachant que la semaine dernière, on avait donc une nouvelle épreuve qui a été mise en place, c'est la Super League de triathlon. Alors c'est un petit peu compliqué toutes les épreuves de triathlon. J'ai rien compris. Qui avait lieu du côté de Jersey. Il a 50 points, c'est bien, il est premier. Mais... Ouais, c'est une épreuve qui est diffusée avec des scénarios un petit peu plus dynamiques et qui ont vu la victoire de Vincent Louis. C'est un podium aussi pour Cassandre Beaugrand, donc ça fait plaisir en tout cas. Et effectivement, tu dis des formats de course étonnants, style là où on a vu nos Français briller, c'était pas ce week-end, la semaine dernière. Le triple mix. Alors le triple mix, c'est quoi? C'est 300 mètres de natation, puis accrochez-vous, 300 mètres de natation, puis 5 km de vélo, puis 2 km de course à pied, 10 minutes de récup et on repart dans l'autre sens, 2 km de course à pied, 5 km de vélo, 300 mètres de natation et rebelote, 10 minutes de récup. Oh, ça va, c'est chill. 5 km de vélo, 300 mètres de natation, 2 km de course à pied. C'est des séances SM quoi. Et enfin, donc l'autre épreuve qui a été remportée aussi par Vincent Louis, c'est l'enduro. 3 enchaînements sans pause de 300 mètres de natation, 5 km de vélo et 1,6 km de course à pied. Sympathique pour Ah, c'est méchant ça comme épreuve. Donc oui, ouais, ça pour fait finir. Des épreuves assez difficiles, mais voilà, bonne période en tout cas pour le triathlon français, puis même sur toute l'année 2018. Enfin, dernier sport à évoquer, vous me direz justement si ça a suscité votre intérêt, c'est l'UFC avec un combat qui était attendu en tout cas pour les amateurs de cette discipline, et il y en a à Montpellier justement. La fin de combat, oui. Oui. Enfin, c'était moins sportif ce moment-là. C'est bien, il y a le catch sur la TNT avec le MMA maintenant, quand le combat est fini, on revoit du catch, c'est bien. ouais, si on veut, en tout cas, qui opposait. Pas nostalgique. Beau combat quand même. Qui opposait deux des meilleurs combattants de cette discipline, que ce qui sont Conor McGregor et le Russe Khabib Nurmagomedov. Bravo. Pas fait d'erreur. Qui a vu la victoire de celui qui est le moins connu du grand public, Khabib, le Russe, qui a amené la défaite de l'Irlandais, qui s'est incliné par soumission, étranglement dans la quatrième reprise. Et effectivement, le combat ensuite a dégénéré sur une bagarre générale totalement hallucinante. Le paraît-il également dans cette discipline, c'était du jamais vu de ce qu'il disait. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Juste dernier mot sur cette rubrique autre sport. Est-ce que c'est une mauvaise publicité pour la discipline finalement? Je pense assurément. Et est-ce que s'il y a une revanche, ça aura un intérêt pour vous, vous y intéresserez du fait de ce contexte-là ou tout simplement pour la discipline? Non, après la discipline, le MMA, après c'est vrai que ce n'est pas que ça, c'est assez exceptionnel. Maintenant, au tout début, on pouvait dire que c'était un petit peu la jungle. Ça fait des années que c'est une discipline encadrée avec des règles et tout, donc il faut le voir comme la boxe. Dans plusieurs pays d'ailleurs. Bien sûr, voilà, il faut le voir comme la boxe. En plus violent quoi. Oui, bien sûr, mais quand même, enfin violent, ça s'est calmé. Il y a des règles et tout. Non, c'est voilà. C'est un sport encadré. Il y a des règles bien établies, mais effectivement, il y a beaucoup plus de. Je veux dire que les autres. Je veux dire par là que les KO en MMA sont quand même plus impressionnants qu'en boxe. Oh, il a pris une droite. Ouais. McGregor. Oui, les coups ne sont pas les mêmes après. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Pour rester pas le même sur sport quoi. Oui. Mais en tout cas, effectivement, la MMA est un sport qui se développe, y compris à Montpellier. Je sais qu'il y a plusieurs sports. Ça pourrait être une idée de les faire venir. C'est pas illégal en France? Et c'est lié notamment à l'entraînement. Enfin, c'est plus porté en mode self-défense en fait. Donc c'est pas les combats, quoi. Pas de combat officiel, quoi. Il faut aller à l'étranger pour combattre, mais ils peuvent s'entraîner, ouais. Exactement. C'est gentil. Très bien, merci messieurs pour ces résultats. Et nous, on passe au sport montpelliérain. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Alors, cette semaine, il y a eu donc un petit bilan, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 4 victoires, un match nul et une défaite, donc qui est plutôt un bon bilan pour les sports montpelliérains. Et le seul match nul, c'est le MHSC Foot masculin, avec match nul contre Guingamp, 1-1, but d'Andy Delors, très beau but d'ailleurs d'Andy Delors, qui confirme après avoir marqué son premier but de la saison face à Nîmes. À l'inverse de Volley finalement. En effet, qui se prend un carton rouge. MHC qui a la possibilité de prendre des points, comme face à Strasbourg ou même dans d'autres matchs, et qui perd des points bêtement. Quelles en sont les raisons de ces pertes de points assez bêtes et tout? Bah alors, je pense que sur ce match, c'est que de la maladresse. Parce que le but de Guingamp est très beau. Après, il y a une petite erreur de défense, mais bon, je pense que c'est pas là qu'on perd le match. Aguilar l'a reconnu en conférence de presse, il a la balle de match, il n'a pas fui ses responsabilités, il tape le poteau presque dans les 6 mètres. Skuletic qui a une balle de match aussi avec un très bel arrêt du gardien Guingampé dans le temps additionnel. Lossel je crois. Non, c'est plus Johnson. Johnson. Russell est parti. Après, on va à Guingamp. Qui a besoin de points, mais l'objectif de Montpellier, c'est pas de rester à cette place-là, c'est de se maintenir, aller faire dixième ou du premier, voilà. Quoi. Et dans cette optique-là, c'est pas un mauvais point à Guingamp. Oui, alors Marseille nous passe devant. Bon, justement pour vous, quelle place peut viser le MHSC après quasiment une dizaine de matchs? Honnêtement, vu la teneur de la Ligue 1 et que je trouve cette année particulièrement faible. 10 premiers sans problème. Oui. Enfin, sans problème. Non, ouais. Mais 10 premiers, on va dire. Le ouais. Maintien tranquille. 6 et 10. Entre 6 et 10. Top 10, top 8, ouais. Top 10, top 8, ouais. Après, top 8, ça paraît ces dernières années, on a souvent vu Montpellier aller chercher peut-être des résultats en coupe aussi. Oui, c'est voilà, un objectif encore cette année. De toute façon, un club comme ça, pour sauver sa saison, quand il va jouer le ventre mou, comme c'est parti pour... Ouais, c'est de vibrer un peu. Il faut... comment ? C'est de vibrer un peu au travers de voilà. Coupe, quoi, comme c'est on peut. C'est vibrer, hein. On va même pas jouer le maintien pour vibrer. Donc ouais, voilà, il faut jouer les coupes à fond et limite même zapper des matchs de championnat comme l'année dernière on avait fait en allant au parc en touriste avant de jouer Monaco en Coupe de la Ligue. Ouais. Qu'on a joué un peu en touriste aussi, mais bon. En tout cas, oui. Allez, au bilan, au vu des autres matchs, c'est une longue phrase et je suis inquiet. Au vu des autres matchs, ça reste un bon point, mais pour avoir vu le match et son scénario, moi je considère qu'on a perdu une victoire qui pouvait largement la porter. Ouais. En tout cas, il y a du mieux dans le jeu. Oui, c'est depuis 3 matchs et ouais. Ça c'est prometteur. Mais là, on préfère peut-être voir jouer Montpellier. Voilà. Prochain match le 21 octobre à domicile contre Bordeaux. Pour le MHSC masculin et le féminin, du coup, c'est le match dimanche à 15h contre l'Olympique Lyonnais à l'extérieur. Le MHR, justement, Romain, je te laisse parler sur ce coup-là. Et le MHR, nous y étions tous les deux à ce match pour représenter Sport & Chill et Radio Campus. Il y en a un qui était un très MHR, bon donneur, quand même. 29-17. Ouais. On ne dira pas pourquoi. Bon, après, je ne suis pas si mal placé, il faut le dire. Victoire 29-17, 4 essais à 2 en faveur du MHR, 15-7 à la mi-temps, donc un match assez linéaire et bien mené par Montpellier, un match abouti, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de mon point de vue de la saison, face à une équipe toulonnaise mal classée. Ça veut dire un peu la saison de Montpellier. Quoi. Ouais, là tu. Mais je t'assure que de ce que c'est un beau match, mais c'est vrai que ça. Ça non, fait pas c'est ça, franchement, honnêtement. C'est l'un des meilleurs matchs de Montpellier cette saison. Oui, d'accord, mais c'est vrai qu'ils sont pas encore à 100%, ils sont en rodage, on va dire. Ouais, ouais ils sont en rodage. La langue de après, bois, quoi. J'allais ah y non, venir. Mais c'est vrai, quoi. C'est... Ah, j'allais c'est... y venir. Je pense que le scénario du match, et notamment une blessure, celle de Johan Goossen, a vraiment changé la donne. Après, quand même, grosse défense, quand même, très agressive des Toulonnais, quand même, durant tout le match, faut quand même le souligner aussi, ils ont été combatifs, quoi. Ça fait que ça, du coup, sur le match, même que sur la saison. D'ailleurs, Toulon a réagi à 70e, quoi. Enfin, ouais. Nous pour aller chercher le bonus défensif. Ouais. Et ne leur permettons pas d'aller chercher. Ouais, mais bon. Ils ont pris que Colazo, un garbage aux airs reste à La Rochelle. Hein. Oui. Donc oui, parce que le jeu des trois quarts, c'est plus trop l'idée. Mais oui, non, pour Montpellier, je suis d'accord avec toi, et j'allais le dire, le match a pas été parfait. Après, à partir du moment où, avec la blessure de Goossen, tu n'as pas d'autre 10 sur le terrain, et tu fais jouer Alexandre Dumoulin, qui a fait ce qu'il attends, pouvait. Attends, vas-y, fini. En 10. Alors oui, tu pouvais mettre Pinard en 10. Pinard est un numéro 10 pour moi. On est tout à fait d'accord. Mais le fait est que ça n'a pas été le choix qui a été fait, et que du coup, Montpellier a eu un Pinard, il a de la bouteille, donc... quoi. Tu les enchaînes, c'est facile. Que Montpellier ait eu un match, facile, un match plus difficile à jouer à partir de là et a assuré l'essentiel et a été constant contrairement à d'autres matchs. Et moi, je voulais citer un joueur qui me plaît bien depuis ce début de saison et qui confirme dans ce match. C'est Yvan Rayac qui est formé au club. On n'en parle pas toujours assez. Il a réalisé un grand match et tant en défense que dans le jeu montpelliérain. Et Montpellier a quand même marqué 4 essais ce week-end, dont un bel essai, même si je sais que ce joueur ne le régale pas tous les week-ends avec à la baguette Pinard, une passe sautée certes dangereuse mais lumineuse qui a permis de voir un très bel essai marqué par Benjamin Fall. Okay. Et donc Montpellier s'impose et est quatrième du championnat comme nous l'avons dit plus tôt. Merci. Et chez les féminines, il n'y avait pas de match ce week-end, mais rendez-vous dimanche contre l'AS Romagna, qui je rappelle c'est clairement en féminine. Non, Romagna en effet, voilà. Contre le MRC à l'extérieur du coup. En futsal, troisième grosse victoire en 3 matchs, victoire 10-2 du MMF contre Vénitieux. Tout se passe bien donc pour le futsal qui se place parfaitement à la remontée en première division qu'ils ont quitté l'année dernière. Prochain match le 20 octobre encore à domicile face à Kingersheim qui est en Alsace. En Alsace ouais. Ah oui, ouais. Vous l'aurez je disais consonance allemande. Le MHB, c'est coussi coussa pour le MHB. Là là. Face à Dunkerque en championnat, l'équipe de Patrice Canaillé s'est imposée dans le Money Time 25-24. Elle se remet la tête à l'endroit après 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Ouais. Une victoire à l'arraché qui fait peur tout de même et qui inquiète quand même pas mal. Que c'est face qu'à Dunkerque, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas un gros. C'est pas un gros. Enfin, ces dernières années, ça l'était à l'époque, mais plus cette année. On a pris un petit temps de retard avec la défaite à Nantes. C'est Richardson qui délivre le Palais des Sports dans ses derniers instants du match. Au classement, le MHB est 5e à 2 points de la tête. Et la tête, c'est Nantes et Chambéry qui revient en forme cette année. Le MHB compte. Contrairement donc en Champions League, là s'incline lourdement à Barcelone 35-27 à l'occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Montpellier n'a pu combler donc le retard concédé à l'entame du match et enchaîne sa 4e défaite en 4 matchs. Donc Ça semble compliqué ouais. Le MHB dans le dur, les pertes de balles et l'efficacité au shoot ont encore freiné l'élan de Montpellier qui devra se ressaisir et aller chercher les points pour essayer de se classer dans les 6 meilleures équipes sur 8 de son groupe. Les gardiens pas assez performants par rapport à Gonzalo de Vargas, notamment en face. Portner fait une bonne première mi-temps, mais de suite. Ensuite. Se ressaisir peut-être c'est compliqué. Ce week-end face à Veszprém, qui n'est pas n'importe qui, mais à domicile à l'Arena. Donc ce samedi. Pour être un déclic, ouais. C'est même impératif. Et enfin, juste une dernière info avant de passer aux Vipers. Lille a l'habitude de truster la Coupe Davis et nous, à Montpellier, on truste la natation. En effet, pour la 4e fois en 5 ans, la piscine Antigone recevra une nouvelle fois cette année les championnats de France de natation, donc 4 fois en 5 ans, ce qui est plutôt pas mal. C'est sympa, ouais. Pour Montpellier. Donc voilà, ça sera cette année. J'ai pas la date exacte, mais ça sera pour cette année. On vous le communiquera en temps voulu. Ouais, exactement. Et les Vipers, victoire des Vipers, 4-0 en 32e de finale de Coupe de France de hockey sur glace, évidemment, contre Valence. On attend le prochain adversaire en 16e avec l'entrée en jeu de la Ligue Magnus. Donc là, ça sera une autre histoire. Je fais un petit point sur les Vipers cette année. Le côté transfert de la semaine, voire même de l'année, on dégraisse malheureusement chez les Vipers avec Lucas Spelda qui quitte l'effectif trop gêné des suites d'une blessure à la cheville survenue la saison dernière, et Alexis Loffray au cage qui n'a pas été conservé malgré qu'il ait fait une belle partie face à Chambéry la semaine dernière. Côté classement en D1, donc qui est la deuxième division, on vous le rappelle, les Vipers sont 7e sur 14, donc mid-tableau, avec une victoire sur 3 matchs. Des regrets puisqu'ils passent toujours proche du match nul dans les deux premières rencontres, puis une belle victoire 8-1 contre Chambéry, même si ces derniers postulent pour redescendre en D2. Et côté développement, au-delà d'avoir une belle salle, on le note pour une D1 en hockey sur glace. Le club a aussi lancé des journées portes ouvertes pour les féminines, histoire d'avoir un club féminin ces prochaines années. Une 3e édition qui a été un succès. Puis aux côtés des supporters, on se déplace de plus en plus du côté des Vipers, ce qui promet un bel avenir. C'est prometteur. Donc pourquoi pas viser les années qui arrivent, peut-être pas cette année évidemment, mais les années qui arrivent, peut-être une place en Ligue Magnus, on ne sait jamais. C'est l'une des équipes de Montpellier dont on parle assez peu, je parle pas de nous, hein, de manière générale, et qui sera assurément à suivre cette saison. Voilà. Et en plus, il y a plutôt une bonne ambiance, donc j'encourage à aller à la patinoire Vegapolis. C'est une belle ambiance, en effet. Prochain match le 20 octobre en déplacement à Neuilly-sur-Marne avant la semaine d'après pour recevoir Dunkerque. Voilà, quant à nous, on va passer à notre première pause musicale. Tim, qu'est-ce que tu nous as concocté? Là, j'ai choisi Janky XL Morning Song, qui est une musique du film Hooligan. Voilà, c'est tout de suite. Voilà. À tout de suite. Vous allez reconnaître peut-être. Y me amaron. De retour sur Sport and Chill, c'était donc Junkie XL avec le titre Morning Song. On passe tout de suite à l'interview. Sport and Chill, l'interview. L'interview Chill. Tous mes chroniqueurs se sont désolidarisés. Ils sont loin, ils sont partis. Je me sens un peu seul, même si Romain revient à l'instant. Et ce soir, on reçoit des invités golf, parce qu'il y a eu un événement majeur la semaine dernière. La Ryder Cup, évidemment, peut-être la plus grande compétition dans le golf, qui a eu lieu en France, d'autant plus. Et donc, on a voulu en parler avec des invités. Et ce soir, on accueille Nathan et Maxence, qui ont tous les deux donc 16 ans et 14 ans, et membres du... Si je ne me trompe pas, c'est ça ? 16 ans et 14 ans, qui sont membres du Pôle Espoir Golf au Crêpes de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Pas trop le stress? Non, ça a l'air d'être plutôt tranquille. Non, mieux que moi pour ma première en tout cas. Et on reçoit aussi David Niel, qui est professeur de sport. Attention, alors là, le sigle, il faudra que je me trompe. La DRJSCS, Direction Régionale Jeunesse et Sport, donc, et Cohésion Sociale. C'est ça. Donc voilà, de l'Occitanie, précisons-le. Passionné de golf évidemment, et présent cette année à la Ryder Cup. Cette Ryder Cup 2018 à Saint-Quentin en Yvelines. On en parlera à la toute fin de cette interview. On va commencer avec un peu vous, un peu les plus jeunes. On va commencer avec honneur aux plus jeunes. Et donc une question plutôt rudimentaire, plutôt simple. Pourquoi le golf? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette discipline, dans ce sport? Quelles sont vos motivations dans ce sport? Bah alors, tout d'abord, il y a eu ma famille qui joue au golf, qui m'a incité à commencer. Après, ça m'a plu, j'ai joué, j'ai voulu jouer, j'ai recommencé, ça m'a... Ouais. Ça s'enchaîne. De suite, t'as aimé le voilà. Golf. Ouais. C'est ça, ça... Histoire envie de famille. D'y retourner, c'est entraînant, quoi. Ça te... Ouais. Ça te stimule, tu y penses, t'aimes faire ça, et quand t'aimes, t'as tout le temps envie d'y retourner. Ouais, en effet. Et du coup, Nathan, c'est ça? Ouais. Nathan et Max, ok. Moi c'est un peu la même chose, mon père il joue au golf, mon grand-père aussi. Et quand j'étais jeune, bah, je voulais toujours aller jouer avec eux. Ouais. Et bah, ça m'a toujours incité à jouer. Donc ouais, c'est des histoires de famille avant tout, ouais. Est-ce que le passionné de golf est aussi, joue quelquefois au golf ou pas du tout? De oui, temps en temps. De temps en temps, moins souvent que sans doute. Après, à leur différence, pour dire que ce n'est pas toujours qu'une histoire de famille. Moi, ce n'est pas du tout une histoire de famille. J'ai commencé par voilà le plus pur des hasards, au gré d'un boulot que je faisais au Club Med, où j'ai découvert en fait le golf au milieu du travail, et voilà, ça a commencé comme ça. Bon, comme quoi, il n'y a pas qu'une histoire de voilà, famille. Voilà, pour contrebalancer juste là, effectivement. Au niveau des catégories, est-ce qu'il y a des catégories jeunes ou quoi que ce soit? Est-ce que vous êtes dans une catégorie spéciale, vous, cette année? Ouais. Bah moi, je suis en U16. Ouais. Et Max, il est en U14. Du coup, c'est tous les deux ans, c'est ça? Ouais. Il y a ouais. des compétitions propres au U16 ou U14 où vous êtes réunis Bah ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un parcours ensemble, par exemple? Oui, bien sûr. Il y a les compétitions jeunes, quand on commence. Là, il y a la première catégorie en U12, là où on fait que des compétitions jeunes. Ouais. Avec des gens de notre âge, parce qu'on n'a pas encore le niveau pour disputer des compétitions avec n'importe qui. C'est à quel âge à peu près qu'on peut disputer des compétitions avec les très grands pros, on va dire. Les très grands pros? Ouais. Alors, peut-être les compétitions majeures en France, par exemple. Les compétitions pro, faut d'abord passer pro pour pouvoir jouer. Ouais. Donc pro, on peut le passer n'importe quand on veut. Ouais. Après, faut être prêt, parce que quand on est pro, on peut plus faire de compétition amateur. Du coup, on peut plus évoluer dans les classements français. Et on est obligé de jouer qu'avec des pros. Donc faut y passer quand on pense avoir le bon niveau pour y passer. D'accord. Et du coup c'est à peu près vers quel âge? Il n'y a pas un âge précis. Est-ce que le golf quand on passe pro c'est plus un âge avancé ou plutôt jeune? Je dirais entre 20 et 22 ans. Ouais. Ah oui quand même, ça reste quand même jeune. Ouais, 22, allez jusqu'à 25 ans je pense. D'accord, donc encore 5 ans, c'est bon du coup. Ouais, c'est ça. Ok, une autre question, peut-être sur les tournois en eux-mêmes, c'est des tournois nationaux, régionaux, départementaux, comment ça se passe au niveau de ça? Bah, la fédération organise des grands prix au niveau national. Oui. Et on y participe dès qu'on peut, quoi. Et pour vous, les objectifs à court et à long terme sur le golf, qu'est-ce que vous voulez gagner? Est-ce que vous voulez progresser? Est-ce que vous voulez voyager grâce au golf? Ou quelles sont vos motivations, un peu vos objectifs? Bon, on voudrait bien progresser au maximum, après voir où ça peut nous mener le plus haut possible. Si on peut en faire notre métier, oui. Bah, c'est l'objectif. Si on peut le démocratiser partout, pouvoir rendre une autre image, pouvoir faire comme Woods a fait aux États-Unis, pouvoir faire ça en France, ça serait génial. Oui, parce qu'en France, ça se développe encore, mais c'est vrai qu'on manque presque d'icônes, on va dire. Nous, on connaît le grand public, on connaît peut-être Victor Dubuisson, qui est peut-être le plus connu pour nous. Et après, on pense tout de suite au plus grand, Tiger Woods, évidemment, au niveau mondial. L'objectif ultime pour un golfeur, c'est quoi? C'est la Ryder Cup, c'est... Qu'est-ce que c'est? Je pense à la Ryder Cup, mais c'est aussi gagner un majeur. Ouais, on a ce qu'on appelle aussi un grand chelem comme ouais, au tennis. C'est ça. Ouais. Donc y a, c'est quoi le plus connu? Master d'Augusta, c'est ça? Ouais, il y a le Masters qui joue à Augusta, il y a l'US Open qui tourne sur différents golfs. Il y a aussi le British Open et l'USPGA. Ouais, ce qui est généralement dans les pays un peu anglo-saxons et pas en France. Y a que le British Open qui joue en Angleterre. Ouais. Et sinon les trois autres c'est aux États-Unis. Ouais. Et en France c'est quoi le plus gros tournoi? C'est l'Open de France, un tournoi de l'European Tour. Ouais, ok, d'accord. C'est celui qui se passe en 50 ans en Yvelines aussi ou, ouais. Ou pas du tout? Ouais, okay. Tout à fait. D'ailleurs, le British One, j'en profite de sortir des îles de l'Angleterre pour aller en Irlande, si je m'abuse, je crois, à Royal d'Ornock, il me semble, à Portrush, je crois. À Portrush, ouais. Oui. Donc ça sort un peu du cadre. Ouais, ça reste britannique. Ouais, ouais, façon, ça reste britannique. Ça s'appelle Open Britannique. Donc. Quelles sont un peu les qualités pour un golfeur? Alors je parle évidemment des qualités physiques, mais ça peut être aussi des qualités peut-être psychologiques, mentales, à détenir donc pour vous les golfeurs. Bah, physique, faut être assez réparti, ouais. Pas avoir qu'une seule partie du corps très forte. Parce qu'on peut penser tout de suite, pour amateur de golf, au dos peut-être, avec le swing. Ouais, c'est très important, surtout quand on commence la musculation. Ouais. Au bout d'un moment, quand on commence à taper beaucoup, à beaucoup, beaucoup faire de golf, au bout d'un moment, il faut vraiment se renforcer à côté du golf, parce que sinon, après, ça peut nous poser des problèmes. Des problèmes d'articulation, de muscles, des tendinites, par exemple. Ouais. Beaucoup de choses comme ça. D'accord. Et du coup, c'est quoi à peu près un entraînement type pour un golfeur? Est-ce que c'est plus de la muscu ou vraiment on pratique avec le... Comment on appelle ça déjà? Le putt, non? C'est pas ça? Pour l'ustensile, à dire. C'est le putt, c'est ça? Si je me trompe pas. L'ustensile, ça m'a fait sourire par contre. Du coup, c'est quoi à peu près l'entraînement type? Est-ce que c'est beaucoup de muscu, un peu ou pas du tout? Non, généralement on fait 3 heures à 4 heures de golf dans la journée et on finit déjà par 1 heure et demie de muscu. Heure de muscu. D'accord, donc c'est plus de la pratique que de la muscu. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça c'est à peu près la journée type. Est-ce qu'il y a vous travaillez d'autres choses ou pas du tout? Non. Non. C'est juste de la pratique, la muscu. On fait parfois de la prépa mentale en dehors du golf. Ouais. Mais ça reste. À quoi ça consiste à peu près la prépa mentale? Alors la prépa mentale, on essaye de se fixer des objectifs déjà. Ça c'est assez important au golf. Fixer des objectifs faisables et assez haut quand même pour nous tirer vers le haut. Et après, en prépa mentale, il y a beaucoup de choses techniques au golf. Donc, en prépa mentale, on peut faire des coups, par exemple, qu'on n'aime pas, des coups qu'on ne sait pas comment faire, apprendre à avoir d'autres options que ce qu'on sait faire. Dans notre tête, avant de jouer, il faut se préparer à faire un coup. C'est tout plein de choses techniques. D'accord. Et quand on effectue un tournoi, quelle est la plus grande peur de ce tournoi, de se rater complètement? Quelle est cette peur-là? Quelles sont les limites, on va dire? Il n'y a pas tellement de peur quand on attaque un tournoi, parce qu'on n'a rien à craindre. Quand on est là, on n'a rien à perdre. Donc on y va, il n'y a pas à avoir de peur, c'est faire le mieux possible, le mieux qu'on peut faire, et on voit à la fin. D'accord. Guillaume, tu as une question peut-être. Vos tournois, votre âge, est-ce que c'est comme les pros sur 4 jours à partir du jeudi ou c'est quel format en fait? Nous c'est sur 3 jours, du vendredi au dimanche. Et normalement le jeudi on fait une reconnaissance du parcours. D'accord. Donc il y a quand même une notion un peu d'endurance mentale. D'accord. Très bien. Est-ce qu'un autre chroniqueur a une question? Non. Pas pour le moment, pas sur cette partie-là en tout cas. On peut passer au petit développement du golf en France et notamment ce stéréotype classique du golf qui souffre toujours donc des stéréotypes qu'on lui donne qui peuvent être peut-être vrais. On verra ça. Sur le fait que le golf reste un sport pour une classe plus aisée. Au vu des dernières années, est-ce que le golf devient plus populaire ou est-ce qu'il a toujours été même le sport, le golf populaire? Alors populaire, il est malgré tout dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus qu'ici, objectivement. Il est aussi, eu égard au nombre de parcours qu'on y trouve, à titre de comparaison, il y a 600 parcours en France, bon, incluant des 9 trous, on va dire en gros, les 518 trous, parcours dit un peu de championnat. Il y en a quasiment 1500 juste en Floride, pour donner un ordre d'idée. Donc si on ramène ça par exemple à tous les États-Unis, bon. C'est un sport où, comme dans les îles aussi britanniques, Angleterre, Écosse, les gens ont tout le monde a un sac de golf dans le garage. Je veux dire, c'est assez commun, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, le coût de la pratique peut s'en trouver réduit au regard du nombre de parcours, puisqu'il y a beaucoup de parcours publics. Alors, certains prestigieux et très chers, même s'ils sont publics, mais certains moins prestigieux et très peu chers, où on peut pratiquer souvent à modeste coût. Il y a de tout, hein, c'est le grand écart. Il y a aussi des parcours privés, des country clubs où c'est totalement fermé, où les cotisations sont très chères. Mais voilà, c'est objectivement, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des sports individuels, peut-être le sport individuel quantitativement le plus pratiqué dans le monde, qui est aussi pratiqué sur tous les continents, d'où le fait qu'il était aux Jeux Olympiques pour cette raison, pour son côté, bon, comme tous les sports qui sont aux Jeux Olympiques, mondialement pratiqués. Donc c'est vrai qu'il y a un écart quand même entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe encore en France au niveau du golf. Au niveau du golf ? Oui, on manque un peu d'une culture au niveau du golf. Et puis il y a effectivement, comme vous le notiez à juste titre, un peu des images qui collent encore au golf d'un sport effectivement élitiste. Alors c'est en partie vrai, parce qu'il y a quand même un coût inhérent à la pratique. Alors notamment, eu égard à ce que représente un coût d'entretien, un terrain de golf. Et bon, quand on paie une cotisation, on paie tout ça. Donc, c'est-à-dire une cotisation de golf, quand on dit cotisation, c'est être membre annuellement pour pouvoir jouer quand on veut. C'est entre 1000 et 3000 euros, on va dire, sur un vrai parcours, hein, 9 trous, un 18 trous, pardon, entre 1000 et 3000 euros. Bon, pour, hein. Après, là où il faut modérer les choses, c'est que, par contre, pour les jeunes, jusqu'à l'âge de 18 ans, le golf n'est pas une activité chère. C'est-à-dire que quand, par exemple, si moi, je suis père de famille, bon, je paie mon abonnement au golf, tous mes enfants qui vont être en dessous de 18 ans, quasiment, ça va rien leur coûter. C'est souvent la cotise des enfants est incluse dans celle des parents. Donc, c'est très peu cher jusqu'à 18 ans. Le matériel aujourd'hui, alors il y a beaucoup de marketing, hein, toutes les marques développent beaucoup de R&D, enfin de recherche et développement sur le golf. Donc il y a des produits nouveaux, très chers, etc. Mais on peut jouer avec des clubs qui ont 10 ans et 15, ou jusqu'à 15 ans, qui fonctionnent très bien, sans céder aux sirènes du marketing et avoir du matériel tout à fait satisfaisant pour jouer. On peut trouver et acheter du matériel d'occasion. Donc, et puis une fois qu'on l'a acheté, voilà, il dure. Donc il y a un petit coup de départ, une petite mise de départ, je veux dire. Et après, objectivement, on peut arriver au moins jusqu'à leur âge à jouer sincèrement pour des tarifs qui ne dépassent pas ceux que je paie pour mes enfants, pour la piscine ou le volley, voilà, ou autre. Donc c'est là où qu'il y a peut-être une pondération à mettre. Après, pour un adulte, oui, une cotisation, une abonnement annuel, c'est entre 1000 et 3000 euros. Après, si on joue une fois par semaine, c'est largement amorti. Voilà. D'accord. Et au niveau justement, vous avez dit peut-être faire du golf votre métier, ce qui est peut-être un bel objectif. Comment on finance justement par la suite les clubs de golf On essaye de trouver par des sponsors peut-être. Oui, on essaye de trouver des sponsors qui peuvent nous aider financièrement, que ce soit des sponsors qui se trouvent dans le golf ou dans d'autres activités. Ouais. Pour essayer de nous financer et nous propulser vers le haut. D'accord, donc c'est uniquement, enfin surtout les sponsors, il n'y a pas d'autres financements. Est-ce que par exemple la fédération oui, il y a la fédération, peut-être le département, la ligue, ouais, le club encore qui est déçu, ouais. Et les parents aussi évidemment. Ok, donc là c'est les financements. Et au niveau du peut-être du genre, c'est-à-dire est-ce que le golf, c'est un autre stéréotype, hein, est-ce que le golf est un sport masculin, est-ce que c'est un sport il est pratiqué, oui, par ouais, plus d'hommes. Parce qu'il y a 338 975 hommes, ouais, qui pratiquent. C'est précis. Et 129 091 femmes. Ouais. Donc il y a plus d'hommes. Il y a plus d'hommes. Et pourtant, par rapport à la retransmission un peu télévisuelle, on voit très peu de femmes dans le golf au final. Par rapport quand même aux événements sportifs qui sont plus masculins. Il y a un écart de ratio important, mais pour autant, je pense que tu veux dire par là, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de femmes qui le pratiquent, et c'est très peu fréquent qu'on voit des compétitions de... Alors déjà, c'est vrai que le golf est un sport en lui-même moins médiatisé, donc déjà, c'est difficile d'avoir des compétitions de golf tout court, mais chez les femmes particulièrement. Alors, en l'occurrence, la France, pour le coup, chez les femmes, a un tournoi majeur de golf. Il n'y en a pas pareil comme chez les hommes, il n'y en a pas des quantités infinies. Et l'Evian Championship est un tournoi majeur féminin, donc le plus gros tournoi, ou dans les plus gros tournois mondiaux, qui se déroule chaque année sur le même parcours, en l'occurrence un peu à l'image du Master d'Augusta pour les hommes. D'accord, donc comment on peut expliquer aussi cette présence féminine qui est assez faible, peut-être pas uniquement dans la télé, mais dans les quotas, là, on a parlé un peu d'un tiers de femmes. Ouais, pour reprendre ces quotas, mais je ne sais pas s'ils sont tellement différents d'autres activités. En l'occurrence, c'est aussi, à mon sens, une des forces du golf, c'est que c'est non seulement effectivement une activité qu'on peut pratiquer, on peut commencer tôt et qu'on peut pratiquer encore tard, et qui est aussi, qu'on peut pratiquer, qui est très mixée au demeurant, où on peut... Vous allez faire une partie entre hommes et femmes mélangés, avec beaucoup de femmes qui jouent beaucoup mieux que beaucoup d'hommes aussi. Et voilà, c'est très. Et puis on peut jouer avec des joueurs aussi de niveaux différents, partager la même partie, puisque chacun joue sa balle. Donc pour le coup, c'est une activité qui est assez, potentiellement assez mixée, entre jeunes, vieux, femmes ou hommes. Et niveau, même en âge aussi. Ouais, niveau très bon niveau ou niveau relativement faible. Dès lors qu'il y a un minimum qu'on connaît un peu, voilà. Minimum de l'étiquette, le fonctionnement du jeu, on peut jouer avec des très bons joueurs sans perturber leur partie, quoi. D'ailleurs, c'était intéressant de juste une petite remarque à signaler. On parlait, alors d'autant plus dans les pays britanniques, et du fait que le golf était un sport très pratiqué et qu'au niveau même mondial, c'était un des sports individuels, si ce n'est peut-être le sport individuel avec le plus d'adhérents. Mais même en France, où ce sport est moins développé, j'ai pu voir qu'en sport individuel, il est classé en troisième position, juste derrière le tennis et le judo en nombre d'adhérents. Donc ce qui montre aussi peut-être, et je pense que c'est à signaler, le fait que le golf a beaucoup de stéréotypes. Souvent les gens vont s'imaginer un golfeur, voilà, des passionnés de golf relativement âgés, aisés et plutôt masculins. Alors qu'en fait, ne serait-ce que ces chiffres en montrant le nombre d'adhérents qu'il y a, tendent à prouver que le golf est un sport pas forcément très médiatisé, mais très pratiqué, quelles que soient les tranches d'âge, quel que soit le sexe. C'est vrai. Je dirais juste quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais qui est une réalité, c'est que par contre, c'est une activité qui prend du temps, un peu, voire beaucoup, et ça, c'est un des facteurs de décision, c'est avoir le temps de pouvoir jouer en fonction de son activité professionnelle. Alors, on peut jouer le week-end, mais voilà, c'est une activité qui prend du temps, faire du trouble, et puis en plus, le temps d'y aller, de revenir, pour peu qu'on boive un coup, même si ça dure 10 minutes, c'est une demi-journée minimum, du coup, pour faire 18 trous. Hein, voilà. Contrairement à d'autres sports. Contrairement à d'autres sports où en une heure et demie, vous avez fait votre activité effectivement la journée. Mais effectivement, juste quelque chose qu'il faudrait peut-être signaler, c'est par ici, le fait qu'il y a plusieurs parcours de golf, justement, peut-être que ça pourrait être intéressant de le citer pour montrer aux gens, aux auditeurs, qu'il y a des golfs, ne serait-ce que dans notre région. Oui, tout à fait. Auquel peut-être d'ailleurs vous vous êtes rendu. Est-ce qu'il y a plusieurs golfs justement au-delà de là où vous devez vous entraîner où vous pratiquez dans la région? On va s'entraîner à Montpellier au golf de Massane. Il est à Bayargues. Et à celui de Foncode à Juvignac. Ok. Il y a aussi celui de la Grande Motte qui est pas très très loin. Et c'est les principaux de Montpellier où on va s'entraîner. Je voulais peut-être réagir sur un peu les chances français et françaises dans le golf. Est-ce qu'il y a une progression ces dernières années? Est-ce qu'il y a une régression dans le golf français? Est-ce que on parle de Grégory Havret, de Victor Dubuisson, peut-être les plus connus d'entre eux? Grégory Havret commence presque à faire partie, enfin, on peut laisser répondre les jeunes concernés de travail là-dessus. Commence à faire partie de l'ancienne génération, Victor Dubuisson plutôt, ou d'autres, Lorenzo Vera, ils peuvent en parler peut-être mieux que moi. Alors comment ça se passe au niveau des Français et des Françaises dans le golf? Oui, il y a Alexandre Dorlevy, Victor Dubuisson et Lorenzo Vera qui joue pas trop mal en ce moment quand même. Même si Dubuisson pour le moment est blessé. Oui. Est-ce que ça l'a contraint à pas jouer la Ryder Cup, mais... ou est-ce que s'il était même pas blessé, il aurait pu y jouer? Ou pas du tout? Le niveau était trop haut pour ça, il aurait fallu, bon, il a déjà fait une fois, il aurait fallu qu'il soit dans les points, le système de qualification de points, ou alors d'être captain pick, c'est-à-dire invité choix du capitaine, puisque le capitaine a 4 possibilités de choix libres. Un peu une wildcard. Délibéré, exactement, wildcard, c'est ça. Ça, on peut pas savoir, puisqu'il n'a pas fait de saison avant, une saison blanche plus ou moins. Donc. D'accord. Donc au niveau de ça, est-ce qu'ils ont des bonnes performances les Français, ou ça stagne un peu, ou ça régresse complètement? Je dirais que ça stagne un peu depuis 2-3 ans quand même. Mais on retrouve de temps en temps 2-3 victoires par saison des Français quand même. Ok, d'accord. On va finir peut-être avec l'événement qui a eu lieu la semaine dernière. C'était la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines en Île-de-France. Et la victoire de la Team Europe contre la Team USA. D'ailleurs, je ne sais pas si le maillot trahit un petit peu. Vous y étiez justement pour cette Ryder Cup. Qu'est-ce que vous avez pensé, même tous d'ailleurs, de cette Ryder Cup, cette édition 2018 en France? Vas-y, C'était vachement impressionnant de pouvoir voir le très haut niveau mondial, l'élite, quoi. Et ça nous montre qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail, et ça donne envie, ça aide. Quand on y a des moments de faible, on se rappelle que c'est pour ça qu'on bosse tous les jours, que c'est pour ça qu'on va à l'entraînement, qu'on travaille. Et ça donne vraiment envie quand on les voit, ils s'amusent, ils sont entre potes, quoi. Et il y a un très très gros niveau, il y a encore du travail, quoi. C'est vrai qu'il y a un très haut niveau, et puis tu le dis, c'est une dimension intéressante à soulever, et qui est propre au golf, c'est aussi l'état d'esprit, ce côté équipe européenne, équipe américaine, et peut-être qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le sport. Dans le golf, notamment, ce moment d'équipe, à part quand on est amateur, effectivement, où on a davantage des matchs d'équipe. Après, chez les pros, il n'y a plus véritablement de matchs d'équipe, et voilà. C'est vrai qu'il n'y a que la Ryder Cup où on voit un peu ça avec Mesh. Ouais. Comment on explique que les Américains n'y arrivent plus en terre européenne? Est-ce que ça commence à être mental? Alors, si on parle juste de cette année-là, je pense, enfin, c'est mon avis, ils ont sûrement l'heure. Je pense que c'est le jeu de la compétition, hein, mais la préparation du parcours, le choix du parcours et la préparation du parcours a une grosse part dans la victoire européenne. Alors c'était le même pour les deux parties, mais l'équipe chez qui ça se passe, en l'occurrence, a le choix du course setting, donc avec les greenkeepers, ceux qui en charge l'entretien du parcours, décident un peu du choix de la largeur des termes anglo-saxons, hein, pour les auditeurs, mais la largeur des fairways, des endroits où on envoie la balle, de la façon dont vont rouler les greens, etc. Et voilà, alors sans rentrer trop dans les détails, on va dire qu'ils sont plus adaptés au jeu européen qu'au standard qu'on trouve sur les parcours américains, peut-être plus large, avec moins de rough, voilà, et moins à l'avantage des gros bombardiers US, on va dire. D'autant plus que les Européens avaient justement réalisé aussi des reconnaissances du parcours beaucoup plus régulières. Forcément. Ce qui, dans un sport comme le golf... Après, c'est l'avantage de jouer aussi à domicile. Quoi. Le retour de Tiger Woods, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le golf? Est-ce que... On peut aussi parler de ses performances et la Ryder Cup qui lui réussit pas forcément à Tiger Woods. Pas cette année en tout cas. Pas cette année, encore moins cette année vu qu'il n'a rapporté aucun point, je crois, pour les États-Unis. C'est ça. Tiger Woods, la Ryder Cup, c'est pas trop son truc. Mais ouais, il a quand même fait une bonne saison. C'est quand même bien qu'il soit revenu. Ouais. Je trouve. En tout cas, je trouve que c'est l'icône du golf. C'est ça, c'est le plus grand joueur de tous les temps, je pense. Et c'est cool qu'il soit revenu au plus haut niveau. En tant que donc un peu amateur du golf, quels sont les golfeurs à suivre de très près dans les prochaines années à venir, ceux qui vont tout exploser, hein, si je peux me permettre? On a remarqué la doublette Fleetwood Molinari qui a fait de belles performances, notamment cette Ryder Cup. Est-ce que ça peut être des futurs vainqueurs de Grand Chelem? Ce sont déjà, en l'occurrence, Molinari a gagné son premier majeur cette année, le British Open en l'occurrence. Après, ce qu'il y avait d'extraordinaire sur cette Ryder Cup, c'est qu'il y avait, pour le coup, vraiment de toutes les éditions, je pense qu'il y avait vraiment sur le papier ce qui se fait de mieux. Voilà, dans le top mondial. En plus, l'occasion pour les amateurs du golf ou les peut-être plus vieux comme moi de voir Tiger alors que c'est voilà, c'est, il revient et qu'il a été sélectionné au dernier moment, donc c'est vraiment une occasion extra de voir pour la dernière fois peut-être sans doute Phil Mickelson et puis d'avoir tous ces jeunes. Vous parliez des espoirs à voir, à avoir observé, qui sont et des espoirs pour les futurs majeurs, mais qui sont des jeunes qui ont pour beaucoup aussi déjà gagné des majeurs, et les Spieth, les Dustin Johnson, les Brooks Koepka, et c'est là aussi le rajeunissement du golf à haut niveau ces dernières années, c'est qu'avant la maturité pour gagner elle passait 30 ans, et maintenant on a des gars qui ont 25 ans et qui ont déjà gagné un majeur ou deux, ou voilà, et ça c'est un grand changement aussi par rapport, on va dire, à il y a 20 ans, peut-être. Justement, cette Ryder Cup, cet événement, qu'est-ce que ça va apporter pour la France ? Est-ce que ça peut apporter un peu plus de financement, un peu plus de parcours de terrain de golf à travers la France, ou même peut-être faire gagner des licenciés à la Fédération Française de Golf ? Peut-être tout à la fois, je ne sais pas quel est leur avis. En tout cas, voilà, il y a une grosse retransmission de télé, en tout cas pour la première fois, je crois qu'il y a eu plus de 2 millions de spectateurs. Ça a battu des records, en effet. Et ça, fondamentalement, de toute façon, il en restera quelque chose. Ça, voilà. Après, ouais, peut-être laisser... ça aura fait découvrir aux téléspectateurs ce que c'est vraiment. Quoi. C'est pas traîner son sac sur le parcours. Quoi. C'est vraiment l'ambiance, le public, les coups qu'ils ont faits. Puis une belle ambiance de ce que j'ai vu en tout cas. Ah oui, par les moyens du golf national qu'ils ont mis en place, les tribunes, il y avait énormément de monde et ça vraiment, je pense, ça va donner un coup de boost au golf en France. Bon, on espère en tout cas. Ouais. Maintenant, les passionnés de sport au sens large comme nous vont connaître d'autres golfeurs que justement citer juste Tiger Woods, même si c'est une légende bien sûr. Ouais. Et puis les néophytes ou les extérieurs peuvent découvrir sur des compétitions comme ça qui ont quand même un petit format avec du public, un petit format stade avec des tribunes, etc. C'est de voir qu'au golf aussi, c'est pas une ambiance où personne parle, morose, etc. Ouais. Et où en fait les gens peuvent crier, s'exprimer. Et ce qui est extra, enfin, moi ce que je trouve pas mal, et je pense surtout vu de l'extérieur, c'est de voir des gens qui peuvent crier comme dans un stade à un moment et qui 10 secondes après vont faire un silence de cathédrale pour laisser quelqu'un jouer. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sports. Fut un temps encore au rugby quand le joueur beauté et un peu le silence dans les tribunes, mais enfin, ça s'est quand même pas mal atténué. Et au golf, vous avez ça. Et même si c'est l'équipe adverse, et je pense que si à un moment il y a l'équipe américaine qui. Un joueur de l'équipe américaine qui est prêt à jouer, qu'un spectateur européen fait du bruit, il se fera reprendre par tous les, j'allais dire, par tous les spectateurs, indépendamment du camp, globalement. Alors, il y a toujours quelques petites exceptions. Il y a tellement de monde, et puis il y a ça va. Mais voilà, et ça, c'est assez, je pense, impressionnant de passer d'un grand encouragement à un silence de cathédrale soudain. Voilà. Puis apparemment, la meilleure ambiance, c'est au trou numéro 1. Du coup, la première. Là, est-ce que vous y étiez ou pas, du coup apparemment, il faut se lever très tôt pour y aller. Ah oui, parce qu'il y avait énormément de monde. La tribune du 1 faisait 6500 places, pour voir un coup d'une personne. Donc, il fallait se lever vraiment tôt. Ils ont accueilli 300 000 personnes sur la semaine. Ouais. Donc, il y a des records un peu partout, spectateurs, téléspectateurs, etc., etc. Donc, ma dernière question la question habituelle, hein, vous la savez, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient commencer à faire du golf, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux jeunes qui nous écoutent ? Bah, qu'il faudrait essayer, c'est un sport qui est hyper bien, et même pour les jeunes, qui est assez physique, même on dirait pas comme ça, mais assez physique, et ce serait bien qu'il se démocratise en France. Pour les jeunes et même pour les anciens. Et... Puis on l'a noté, c'est un sport finalement abordable par rapport aux stéréotypes qu'on en fait. Très bien, je vous remercie. Et puis c'est un sport olympique aussi, on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas l'occasion de tout parler, mais c'est un sport olympique et je pense que ça peut être une motivation d'autant plus pour les jeunes de voir le golf aux Jeux Olympiques depuis Rio 2016, si je ne me trompe pas, de retour. Donc ça c'est aussi un symbole fort et quelque chose d'important pour ce sport. En effet, tout à fait. Je vous remercie donc Nathan, Maxence et David d'être avec nous ce soir pour parler golf. On en parle peu, comme malheureusement d'autres radios, d'autres télés. Dernièrement, on en parle plus quand même. Ouais, mais il fallait en parler, surtout avec la Ryder Cup, en effet. Merci à vous. Et merci. Nous, on passe à notre deuxième pause musicale, c'est La Rose avec le titre Loin des yeux. Thank you. Allez, de retour sur Sport & Chill. On remercie encore nos invités d'être venus, et notamment le Krebs. Je sais pas si je l'avais dit, mais le Krebs de Montpellier qui nous fournit évidemment toujours des sportifs de qualité. Et prometteurs. Et prometteurs, en effet. Donc on les remercie. On les retrouvera dans deux semaines pour la diététique du sport. Encore un sujet très, très précis, et on les remercie. Et tu disais de qualité, ils ont pas précisé en plus, effectivement. Leur classement. En termes de classement, c'est assez épatant. On voit qu'on a de la qualité. Maxence, numéro 2 français de son âge, voilà. De sa catégorie d'âge, ça va. Tout à sympa. Fait. Et Nathan qui était 20e de sa catégorie, en plus en U16, donc d'autant plus compliqué. Il est temps de détruire l'adversaire, c'est le jingle duel. Oh, le lancement! L'animateur. Ce soir, pour le duel, un duel entre Alexandre de Karlovic. Face à moi-même, Florian Trillon, du nom de Lance. De Lance. Sur un sujet rugby et un sujet top 14, est-ce qu'il faut, oui ou non, réduire le nombre de clubs en top 14? C'est la question de ce soir. Et est-ce que tu veux commencer, mon cher Alexandre? En tout cas, il tient sa fiche dans sa main depuis tout à l'heure, il est chaud. Hein. Ou tu veux que je commence? Non, je laisse l'animateur présenter. Vas-y. Bah, logiquement, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est que celui qui dit oui commence, quoi. Donc, moi, oui, je suis pour, en effet, la réduction club. Donc, je vais commencer. Comme dirait Yacine, la question pour un champion, je laisse la main. T'as la tête, ouais, en effet. On en parlera tout à l'heure des questions pour un champion. Alors, moi, je commence. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps? J'ai le droit jusqu'à 2 minutes, entre 1 et 2 minutes. Je vais le faire, Romain. Je fais. Laisse-moi juste le temps d'aller sur le chrono. Prépare-toi, soyez chaud, les gars, c'est parti. C'est bon? Allez, on a en max. 7. Fort de pied, on est bon. Alors, moi j'ai envie de dire que tous les mots du rugby sont là, puisqu'on en a parlé ces dernières semaines, même ces dernières années. On parle du rugby de plus en plus violent et qui crée des séquelles toujours plus importantes, car à la fois c'est plus physique, mais aussi il y a trop de matchs pour moi, et pas forcément assez de récupération pour les rugbymen, ce qui se blesse d'autant plus facilement. Il y a des doublons aussi avec l'équipe de France de rugby. On ne peut pas enlever des matchs à l'équipe de France de rugby, malheureusement, parce que déjà il y en a très peu. Et en l'occurrence, on peut en enlever peut-être un, voire deux au maximum de la tournée d'hiver. Donc c'est pas à l'équipe de France de s'adapter. Il y a un problème de calendrier, alors qu'il n'y a pas de coupe au rugby. Ça veut dire qu'on a déjà 14 clubs en top 14, ce qui est pour moi déjà son maximum. Sachant qu'on n'a même pas de coupe, on a des impasses monumentales. Alors là, d'autant plus cette année, de gros clubs de top 14 qui dénaturent pour moi le spectacle, même pour les supporters. C'est super en tant que supporter de se déplacer, de se prendre 60 points en terre montpelliéraine, on peut dire. Mais 50 secondes, Flo, tu es. Merci. C'est triste pour les supporters qui ne peuvent plus se déplacer ou qui ont peur de se déplacer parce qu'ils ont peur de se prendre une rouste, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui font l'impasse, notamment cette année. Et ce n'est pas... Je terminerai peut-être sur l'objectif à court et long terme, pour moi, du rugby, qui est l'équipe de France de rugby et non pas le top 14. On n'a aucun palmarès, donc il faut se concentrer là-dessus. Il serait temps de faire comme les Irlandais ou certaines nations du Sud et que les joueurs soient pleinement inscrits dans l'équipe de France et moins dans les clubs et donc moins dans les... Donc moins de matchs permettrait à tout cela de donner plus de pause et 3 secondes et des... C'est vrai? Non, jusqu'à 2 minutes, ça va, j'ai de la marge. Ouais, très et donc, plus de pauses aux non-internationaux, qui pourront faire des stages ou quoi que ce soit. Et enfin, finalement, je terminerai, vu qu'il me reste 20 secondes, sur... ce n'est pas la fin de la Pro D2, si tu voulais dire dessus, parce que avec la réduction, j'y vois justement un moyen d'y agrémenter des clubs plus solides en deuxième division, avec des gros stades. Malheureusement, des clubs historiques qui sont, mais c'est un mal pour un bien de les voir et de voir que d'année en année, les droits télé, les téléspectateurs et même les spectateurs ne cessent d'augmenter en Pro D2. Et d'y voir fleurir de nouveaux clubs d'autres horizons. Merci, monsieur. Voilà. Alex de se défendre. Moi, j'ai juste une question à Flo avant de démarrer très rapide. J'ai pas le droit d'y répondre, malheureusement. Ouais, non, là, tu n'y as pas. Une petite question rhétorique. Ouais. Sans réponse. Tu peux, tu peux me poser la question dans tes deux minutes. D'accord, je te la pose quand même. C'est parti. Moi, j'aimerais savoir si la réduction implique une ligue fermée ou non. Bon, voilà, juste. Ensuite, sur l'équipe de France, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas le problème des matchs et tout. Moi, j'ai été biberon au rugby, je suis du Biterrois. Avant, il y avait des coupes. équipe nationale. C'est le style de jeu qui crée les blessures, c'est pas le nombre de matchs. Et pour l'équipe de France, le problème, tu as parlé de l'Irlande où on peut citer le Pays de Galles, etc. C'est le nombre de joueurs étrangers qu'il y a dans les clubs. Il faut savoir qu'il y a un nombre limité de joueurs étrangers en Angleterre, au Pays de Galles, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont une bonne équipe nationale. Et donc, pour moi, le problème de l'équipe de France, c'est celui-là. Après, sur les blessures, c'est très simple. C'est le jeu du rugby qui a changé. Moi, j'ai vu des matchs dans les années 90, début 2000, ça n'avait rien à voir. C'est surtout ça. C'est les règles qui comptent. C'est pas le nombre de matchs, c'est pas le nombre de matchs que tu vas faire, etc. Après, sur le fait de prendre des fessées à l'extérieur, bon... ça je te dirais c'est pareil, c'est pas le nombre d'équipes, c'est le choix des entraîneurs. Les entraîneurs, s'ils ont envie de mettre l'équipe C ou D prime, bah c'est leur problème. Après, moi j'ai envie de te dire, avant aussi, bah tu avais même un arbitrage qualifié de maison, tu gagnais beaucoup tous tes matchs à domicile et tu avais plus de mal à l'extérieur. Donc pour moi, ça fait aussi partie du rugby. Et je pense qu'il faut laisser... Après, réduire le nombre de clubs, ça reviendrait à dire en gros que c'est les plus riches qui vont rester. Et pour moi, ce ne sont pas les valeurs du rugby. Moi, je suis pour un rugby de province, le rugby authentique. Le rugby provincial. Bah, le rugby, c'est la province. Le rugby, c'est pas... Même si maintenant, c'est les grandes métropoles, le vrai rugby, c'est ça. Et voilà, c'est mon côté vieille France, comme dirait Florian. Et je maintiens le fait que voilà, il faut garder un top 14. Très bien. Vos avis sur, sur la question, messieurs. 1,53. Bravo, monsieur. J'y vais ? Oui, en premier. Vas-y. Avantage Florian. Point. 15-0. Pour quelle raison ? Je suis pas d'accord avec tout. En fait, moi, je pense qu'il y a d'autres solutions pour réduire le nombre de matchs. Moi, je suis contre la phase finale, déjà. Voilà, ça fait 3 matchs en moins, ça fait 3 semaines en moins. C'est pas une semaine. C'est pas une semaine. La finale n'est pas une semaine avant la tournée à l'hémisphère sud. Voilà, que ça soit 14 ou 12 ou 10, pour cette chose-là, je préférerais la suppression de la phase finale. Après, il y a, comme tu as dit, le problème des doublons déjà, qui sont très embêtants pour les clubs, pour le spectacle. Qui est auquel on ajoute les impasses. J'ai vu le match de Montpellier à Lyon avec une demi-impasse. On a mis quand même une équipe, bon. Correct. A prime. On a pris une tôle. Pareil, Toulouse à Montpellier. Toulouse à Montpellier. Le match de 17h du dimanche, le match numéro 1, c'est inacceptable. Je ne comprends pas que le diffuseur accepte. C'est lui qui paye, Alex. Les clubs gagnent de l'argent grâce à la. C'est même pas le diffuseur, moi j'ai parlé grâce à Canal+. Des spectateurs, des oui. Spectateurs oui. Surtout. C'est un club. L'argent dans le rugby, il en faut de plus en plus. C'est Canal+. Et c'est eux qui offrent un spectacle, enfin qui offrent, les pauvres, c'est à leur dépens, oui, qui offrent un spectacle voilà, médiocre sur au moins 2 matchs sur 3 qui diffusent. Ouais, mais ça c'est le style de jeu. Moi, je vois des matchs avec deux non, équipes c'est, A. Non, c'est les impasses. Bah, y a pas que les impasses. Moi, je vois des matchs avec des équipes A. Je suis désolé, c'est pas terrible. C'est oui, le ça, style de jeu. Les impasses, c'est les clubs qui décident. Et ça, moi, je trouve ça inacceptable. Romain, tu voulais peut-être réagir sur un peu le... Moi, je sais pas si Tim voulait parler avant moi pour donner son opinion. Mais du coup, je... Ah, Tim est perdu. Tim est perdu, on l'a réveillé. Il analyse. Vas-y, Tim, je t'en prie. Moi je suis pas un grand spécialiste du rugby, mais il y a un argument qui m'a, enfin je trouvais que le duel était assez serré et les deux se défendaient, il y a un argument qui m'a pas mal convaincu, c'est cette histoire de nationalisation là, dans les pays, de limiter le nombre de joueurs étrangers. C'est vrai que dans le rugby, j'ai l'impression que peut-être par rapport au foot, il y a beaucoup de joueurs étrangers. Dans certains clubs, notamment des gros clubs où il y a beaucoup de joueurs étrangers, ça favorise pas tellement l'éclosion d'une jeunesse florissante d'une sélection nationale. Donc ça m'a convaincu. Après, nombre de matchs, parce que j'ai pas très bien compris ton histoire de réduction des phases finales, tu parles de quoi là, Guillaume ? Suppression des phases finales, le premier qui est champion. Ça fait 3 matchs en moins pour les meilleurs. Comme au foot par exemple. Voilà. C'est-à-dire, genre, on fait un championnat régulier, pas de. Le premier est champion. D'accord, ok. Je peux répondre sur la phase finale. Si tu fais ça, bah c'est plus l'esprit du rugby. Il y a toujours eu des phases finales, c'est comme ça. Et alors, bah oui, mais quand on est face à des difficultés de calendrier qui semblent irréversibles. Ouais, moi ça je pense qu'Alexandre a regardé un peu la tradition du rugby. Après, sur le calendrier, n'oubliez pas un truc, on est gouverné par les Anglo-Saxons. Le problème aussi, il est là. Oui, ça, oui, d'accord. Romain pour finir. Mais pas sur la phase finale, on fait ce qu'on veut. Alors, non, ça c'est sûr. Alors, mon opinion, je donnerai le résultat qu'à la fin, parce que vous verrez, j'ai des arguments des suspense, deux côtés. Je garde du suspense, mais je suis sûr que vous voulez du suspense. Oui, bien sûr. Concernant les positions défendues, déjà, j'étais de base plus proche de celle de Flo. Mais j'ai beaucoup aimé les arguments, en tout cas, d'Alex sur cette tradition du rugby. C'est vrai. Sur ce qu'il parle, qui est lié au style de jeu. Une seule chose que je vais lui répondre, c'est que sur le style de jeu, c'est une réalité. On n'a plus le même rugby, effectivement, dans les années 2010 qu'on en avait. On en avait parlé, notamment lors de ce débat-là. Mais du coup, on doit faire avec. Et donc, on ne peut pas revenir à se dire, c'est le style de jeu, donc améliorons notre style de jeu, et voilà. Alors, bien sûr qu'il faudrait le faire, et qu'il y a des solutions pour le faire, mais pour autant, ce rugby-là a beaucoup évolué, il a muté, il est maintenant beaucoup plus frontal, et donc les impacts sont là, même si effectivement on peut proposer encore un petit peu autre chose, et donc il faut composer, trouver des solutions. À l'inverse, sur la solution proposée de suppression des phases finales, c'est là où je suis à fond derrière Alex. Pour moi, c'est pas dans la tradition du rugby, et pourtant vous savez que je suis supporter montpellierain et que cette année ça nous a fait des tours, et que s'il n'y avait pas eu de phase finale, Montpellier était champion. Même si du coup peut-être des matchs n'auraient pas été escamotés de la même manière, on est bien d'accord. Moi, je supprimerais plutôt les barrages, tu vois. Seulement, ça, je trouve que c'est une innovation qui n'a pas servi à grand-chose, ça, finalement. Ça, à la rigueur, et je suis d'accord. Demi-finale, finale, par contre, ça doit être regardé. Je reste sur mon opinion, juste avant de te laisser réagir, ça l'empêchera pas. Que tu as perdu. Parce que pour autant, je considère que ligue fermée, non. Je reviens sur la question que tu m'as posée à Flo. Je suis pas ligue fermée, non. Mais que, au vu de la situation, supprimer les barrages et en venir à peut-être un top 12, c'est pas un très bon signe effectivement donné au rugby de province, mais c'est sans doute une nécessité pour l'équipe de France actuellement notre championnat. Ce que je comprends pas, c'est que de passer de 14 à 12, en quoi ça défavorise en priorité les clubs de province? Mais il me semble pas que le rugby actuel soit dominé forcément par les clubs de la capitale. Le rugby actuel se centralise sur les métropoles maintenant, qui mettent beaucoup plus de sous. On parle de Montpellier, mais on parle de Lyon. D'accord, aussi. Vous parlez des. Ok, bien sûr. Du coup, des petits clubs comme Brive, Bourgogne-Jallieu et tout ça. Genre Bayonne. Ils sont déjà plus là. Voilà. Ils sont en pro des deux, mais bon, après, ils vont moins descendre. Je trouve évidemment triste de voir ces clubs mythiques en pro des deux. Mais après, malheureusement, l'argent est roi, quand même, malheureusement. Il y a un dilemme qui est posé par l'argent, en fait. On veut de l'argent. On demande à Canal Plus de l'argent. On remplit les stades. À Montpellier, c'est très cher pour aller au stade. Oui, maintenant, Mais oui, mais les petits clubs peuvent pas suivre. Faut savoir. Faut se décider. Après, tu dis on veut de l'argent. Moi, je veux pas de l'argent. Moi, je veux du beau rugby, en générique. Une bonne équipe de France. Et puis après, plus de joueurs français, de jeunes français qui sont formés et qui jouent. Voilà. Quand je dis on, je me place en président de la FFR ou de la Ligue. Tu ressembles pas trop à Paul Gosse quand même. On va terminer là-dessus, parce que sinon on n'aura plus de temps pour le quiz. Je sais que ça embête un peu. Allez, Flo, d'une courte tête. Ouais, j'ai hâte, moi. Oui, félicitations, merci. Merci à ce duel, un beau duel ce soir avec Alex. C'est un duel qui mériterait presque débat, vu nos échanges et les questions posées. On sera en antenne. Par team ou même nous-mêmes. Sans plus tarder, on passe tout de suite au quiz. Sport and chill, le quiz. Allez, il est temps à team de se révéler. J'arrive, les poulets, vous m'attendez, j'arrive. Je note un peu les noms, désolé, j'oublie à chaque fois de noter les noms. Hop, et Alex, part avec un point moins parce qu'il a voulu m'affronter. Non, je déconne évidemment. J'accepte tout. Alors, attention, c'est sur, un quiz spécial cyclisme 2018. Donc sur cette année de cyclisme, qui n'y aura pas à l'émission de fin d'année, du coup. On va commencer avec, entre guillemets, la culture G et la... Valverde. Le tour de table. Non, la rapidité plutôt. Ah, j'arrive. Il n'y a pas de buzzer. Quel coureur a gagné le plus d'étapes ou courses du World Tour cette année en 2018? World Tour. Grandewagen. Étape et course du World Tour. Viviani, point. Ah okay. Oui, il y a Viviani. Est-ce que vous avez à peu près le nombre de victoires? Je donne pas il de points. Il a 14, non? Non, un petit peu moins. 11 10. 10 victoires. Ah oui, on est juste sur le World Tour. Qui est le premier français? Alaphilippe. Alaphilippe. Oui, Alaphilippe. Avec 7 victoires. Qui a dit en mai 2018, je précise la date. Tout cela est très triste, Froome ne fait pas partie de la légende de ce sport. Bernard Hinault. Oui. Ouais. Bah, il peut pas le blairer. Quelle image donne-t-il au cyclisme avec cette Quelle image donne-t-il au cyclisme avec cette manière de procéder? C'est un vrai scandale, cela doit cesser. Froome n'appartient pas à cette liste de vainqueurs des trois grands tours. Il sort de la Vuelta avec un contrôle positif, donc il a utilisé le dopage et il aurait dû être suspendu. Bernard Hinault, après le contrôle anormal de Froome au Subtanol. Point pour... Vous mettez en difficulté, les gars. Hein. En effet, il faut se réveiller là. Attention, c'est une question où je donne un chiffre, je donne petit à petit des indices. C'est le chiffre 20. Vous pouvez donner autant de trucs que vous voulez. Le nombre d'un grand tour consécutif d'Adam Hansen. Oui, bah oui, mais... C'est ça. Mais sauf que c'est une série qui s'est arrêtée, donc je pensais pas qu'il allait demander ça, mais oui, je... effectivement. Je Australien, Giro 2018, j'ai fait mon Yacine, là. Vuelta 2011, là, ouais. D'affilée Adam Hansen. Ouais. Ouais. C'est un coureur australien qui a fait 20 grands tours d'affilée. C'est un mutant, c'est une machine. De 2011 au Giro 2018. Une série qui s'est arrêtée cette année. Ouais. J'aurais dû préciser que c'était pour une question pour le Giro. Désolé Romain. Oui, en fait, j'allais te demander juste est-ce qu'on cherche un nom. Je ne cherche pas d'excuses. Mais bien joué. Rapidité. Quel record, si on peut parler de record, a été battu cette année au départ du Giro? Le nombre de chutes. Non. Nombre de crevaisons. Non plus. Le départ le plus lointain. Oui. Eh oui. Ah oui, c'est d'accord. Le départ le plus lointain lors de loin de ses bases lors de ses grands tours à Israël, à Jérusalem, exactement. Oula, ça va plus là. Guillaume. Je suis chaud. Là, j'avoue que. Tour de table. On le sait, les Quick Steps sont des habitués des classiques parce que c'est une question classique. Cette année encore, c'est l'équipe qui a gagné le plus de courses. Pas uniquement les classiques, mais aussi les grands tours, au niveau des étapes au grand tour, et ainsi les courses aussi à étapes. Mm-hmm. Course à étapes, grand tour et classique. Combien de victoires pour les Quick Steps cette année? Tour de table. Tour de même table. Quand on sort du World Tour, ou on est sur tout compris. World Tour évidemment. Donc les classements généraux. Course à étapes. Étapes de grand tour. Et classique. D'accord. Ça va être un peu pif cette histoire. Ouais. Okay, je vous donne un petit indice. Débuter. Les deuxièmes, c'est les Sky avec 19. Et les troisièmes, c'est Bora avec 18. Je sais pas si c'est vraiment un indice. Après, ils ont écrasé la saison, mais je dirais 31. 31 victoires. 34 pour moi. 34 victoires. 28. Allez, 29. Oh, c'est plus. 29 et point pour Tim. Come on. 33 victoires. Ouais, je savais plus si c'était 33 ou 34. Romain, tu as intérêt à commencer là, parce que sinon tu me déçois. Là, c'est compliqué. Là. Allez, toujours les classiques, je sais que tu aimes ça. Tour de table. La dernière course et dernière classique de l'année arrive avec le Tour de Lombardie, on va en parler tout à l'heure, ce week-end. Excepté Arnaud Démare en 2016 sur le Milan-San Remo, depuis quelle année les Français n'avaient pas gagné de classique? Attention, les classiques Flandre, Lombardie, Milan-San Remo, Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Tu veux quoi? Tu veux l'année? La dernière année que les Français ont gagné l'un de ces classiques. Excepté d'Arnaud Démare, que j'enlève. Ah, donc Milan-San Remo 2016. Démare, non? Milan-San Remo, ce que je dis. Ouais. 2016. Excepté Arnaud Démare. Tu veux... C'est quand le dernier Français? Tu veux le nombre d'années ou tu veux l'année? Je veux l'année. L'année. D'accord. L'année. Alors, si tu veux le nombre d'années, mais il faut que je calcule. Non, on va éviter. C'est pas facile. Tu peux commencer d'ailleurs, Alex. De s'en inspirer là. La dernière année. A noter que cette année, il y a eu 2 victoires sur les classiques. Ouais. Ça aide pas. C'est tour de table. Hein. Donc si tu veux aider tes collègues, tant mieux. Mais c'est Alex qui commence. C'est Alex. Allez. Allez, je me lance. Franchement, 2005. 2005. Ouais. Tim. Je vais dire 94. C'est à toi. Diamant, c'est à toi. Ah merde. Je réfléchissais, pardon pour le. Oui. Je pense que c'est. Ah, peut-être Laurent Brochard. Allez. 97. 97. Non, mais non. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, bah, j'allais dire 97 aussi. Vraiment. Frédéric Guédon. Et Laurent Jalabert en 97. Superbe. Guédon avec Paris-Roubaix et Jalabert sur Lombardie. Point pour Guillaume et Romain. Et oui, donc il n'y avait pas le San Sebastian. J'espère que tu l'es pas. Non. D'ailleurs, c'est pas une classique du 5 majeur. Ouais, ouais, parce c'est... qu'avant, dans l'ancien format de Coupe du Monde, elle était dans les 10. Avec enfin, Paris Tour. Je parlais des, des 5, je les ai cités. Ouais, d'accord. Commence pas. Les monuments, tu as déjà 5 points. Non, mais c'était allez, question Tour de France. Rapidité. Quel point commun entre le Tour de France 1998 et celui de cette année? Même nombre de kilomètres de... Même ville d'arrivée. Pas de chrono par équipe, hein. Les victoires françaises. Si, il y a un chrono par équipe. Ça va le nombre de jours en jaune. Si je vous le redis bien. Quel point commun entre le Tour de France 1998 et 2018? C'était champion du, année champion du monde. Bah oui. Plus précisément. Ah, l'équipe de France de foot qui a gagné la Coupe du Monde. Ah non, mais ça bien sûr, c'est évident. Pas d'étape le jour de la finale, je sais pas. Non. Ah, une horaire modifiée un par rapport. Allez, je prends. Oh là là. Horaire décalé à cause de la Coupe du Monde, c'est les seules éditions. Ah bon. Team qui prend 2 points. C'était quoi en 98 du coup? De rien. Bah, je sais plus, mais c'était une étape qui a été décalée à cause de la Coupe du Monde, justement. Je crois que c'était bien la finale, ouais. J'ai vu qu'il y a une question que j'ai pas fini, donc qui c'était à qui suis-je en plus? L'inachevé. C'était à qui suis-je, du coup je le ferai pas, c'était Dan Martin, donc au cas où. Depuis. Oui, cette question. Alors, tour de table est éliminé à chaque mauvaise réponse. Aïe. Depuis 1985, qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. Très peu de nations ont gagné par la suite, 10 nationalités pour être plus précise, mais je veux savoir qui sont les vainqueurs des tours depuis 1985. Tu veux qu'on cite tous les pays? Non, je cite les noms des coureurs. Je voulais juste dire qu'il y a très peu de pays, il n'y en a qu'une dizaine. Donc on va tourner. Tu vas commencer avec Tim. Peter Sagan. Non. Yes. Oui. C'est maillot jaune, je rappelle. Attention. Oui. Bravo, Tim. C'est qui suit Guillaume. Je voulais commencer avec toi pour t'aider, mais. Pedro Delgado. Oui. Je savais pas que t'allais dire suis en premier, mais. J'en donne un facile, du coup, hein, Christopher Froome. Christopher Froome, oui. Ah, je l'avais pas. Ouais. Bradley Wiggins. Wiggins, oui. Voilà, c'est lui que je confonds. Du coup, Guillaume. Yann Ulrich. Yann Ulrich. Alberto Contador. J'allais le dire, celui-là. Je connais pas. Après, Lance Armstrong. Ouais. Mais. Je te donne une seconde chance parce qu'il n'est pas attribué. Pereira, on va dire. Pereira. Ouais, Pereira. Oscar. On est sympa, on est très sympa. Guillaume. C'est la même langue. Bien Norris. Bien Norris. Il va chercher les compliqués, Guillaume. Ah ouais, mais. Carlos Sastre. Guillaume. Andy Schleck, du coup. Andy Schleck. Joli. Guillaume. Cadel Evans. Ah, il fallait que je le donne. Alejandro Valverde. Ben non. Ah non. Ah ouais. Si, Valverde a gagné un tour. On parle pas des Tours de France là, on parle des grands tours. On parle des Tours de France. Ah, on parle des Tours de France. Moi, je vais sur les grands tours. Non, Tour de France. Ah, Tour de France. C'est éliminé, okay, ça. Excusez-moi. Romain est pas dedans. Quelqu'un a dit Cadel Evans, du coup. Quelqu'un l'a dit, oui. Quelqu'un a dit Cadel Evans. Quelqu'un qu'on était sur les grands tours, vraiment, excusez-moi. Du coup, ça se complique plus que ce que je pensais. Non, ça se complique pas normalement. Romain, s'il te plaît. 85. Pas mal, hein. Ah, j'en ai en tête. On parle de 96. On était à 85. 86, on parle. Bah, il y a Laurent Fignon déjà. On parle de 86. Ah non, Laurent Fignon, c'était avant. Parce qu'on a fini. Éliminé. Ouais, non, là, c'est. On a juste les derniers français. Là. Ah merde. Ah, je suis pas sûr. Je suis désolé, les gars. Miguel Indurain. Oui. Joli. Romain, là. Mais en plus, t'avais dit que c'était dernier français. Moi, je te cite un français. Je transpipe. Marco Pantani. Marco Pantani. Oui. Oui. En 98. Ah ouais. Ça m'a bloqué cette histoire de grand tour. L'américain qui était avec Armstrong mais qui était chez Phoenix là, mais je suis pas le prêt, j'ai plus là. Je l'aurais pas. Bah non, s'il pas vous plaît, messieurs. Plus ça y est, tu as tort. Vous donnez la victoire à Guillaume là. Attends. Ah oui. Mais bah oui, moi le j'en ai un. Ah purée. J'en ai un en plus. Le Gallois. Bah oui. Comment il s'appelle? Moi j'en ai deux là. Celui de cette année surtout. Attends, ouais. Personne n'a donné depuis tout à l'heure. Attends, bon, l'éliminé. Ouais. Guillaume, ouais, j'en ai deux. Merde. Guérin Thomas, Greg Lemon, Stéphane Roche. Stephen Roche, Greg LeMond. Vous avez fait Nibali. Un certain Vincenzo Nibali. Ah ouais, ah ouais, moi j'avais Thomas Nibali. Ouais, bien. Très déçu, messieurs. Ouais. Point pour Guillaume qui va écraser la concurrence ce soir. Ouais. Allez, on continue. C'était Dan Martin pour le qui suit que j'ai pas fait. Dan Martin. Allez, question pour la Vuelta. Rapidité. Ah. Cette édition de la Vuelta fut réussie et elle battit un record sur le Tour d'Espagne depuis 1936 et sur le Tour de France depuis 1965. C'est un record qui a été battu, le dernier c'était au Tour de France 1965 et au Tour d'Espagne c'était le dernier, c'était en 1936. Quel est ce record? La moyenne horaire? Non, c'est impossible. La quoi? La moyenne horaire en kilomètre heure? Non. Ah non. Oui, il y avait tellement de montagnes, ouais, c'est vrai que... Le peu d'écart qu'il y a entre le premier et le deuxième? Non. Non. Non, sinon ce serait 89. Allez, messieurs. Le nombre d'arrivées au sommet? Non. Je donne le chiffre, c'est 24,8. L'âge du vainqueur. Bah non, la moyenne d'âge du peloton? Ulrich, il a gagné à 23 ans. C'est la moyenne d'âge du podium? Oui. Ah, bien, bien sûr. 24,8 années, le podium. Plus, allez, Romain. Simon Yates, Henrik Maas. Allez, tour de table, on accélère. Championnat du monde, Alejandro Valverde s'est imposé pour la première fois de sa carrière au championnat du monde en comptant les classiques, plus que les 5, hein, donc le top 10 des classiques, ainsi que les victoires d'étape aux 3 grands tours. À combien arrive-t-on? Pour Valverde. Cette année, hein? Non, tout. J'ai du mal à me faire comprendre ce soir comment tout. Ça se passe. On va voir. En comptant les classiques. Toute sa carrière. Okay. Donc il y a plus que les 5 classiques que j'ai cités tout à l'heure. Ah oui, okay. Ainsi que les victoires d'étape des 3 grands tours. À combien arrive-t-on? Plus le championnat du monde qu'il a gagné. Allez, Romain. Si j'oublie pas une classique, je dirais 28. 28. Romain. Guillaume. Allez, Guillaume. 24. 30. Team. 25. Pardon. 28 victoires. 11 Vuelta, 4 Tours de France, 1 Giro, 1 Championnat du Monde, 4 Bastien Liège, 5 Flash Wallon et 2 San Sébastien. J'avais exactement en tout. En plus. Ferme. Et allez, dernière question, classement individuel. Il y a eu le top 10 des classements individuels cette année. Classement individuel, c'est celui qui gagne le plus de points en comptant toutes les étapes, tous les tours. Du World Tour. Du World Tour. Classement actuel. Allez, jouez le top 10. C'est qui? C'est moi qui démarre? Non, Tim. Le. Ouais. Tu peux le. Si, tu peux. Peter Sagan, c'est Peter bon Sagan, qui est deuxième. Julien Alaphilippe. 2992 points. Julien Alaphilippe. 8ème. Moi j'ai le premier. Simon Yates. Simon Yates, premier. Alex. Greg Van Avermaet. 5ème. Valverde, il est pas dedans, non? Si, 3ème. Christopher Froome. 9ème. Elia Viviani. 6ème. Je sais pas combien il nous en manque d'ailleurs. Il manque le 4, le 7 et le 10. Allez, ça passe, éliminé, non. Désolé. Tim, je sais, je sais pas. Guillaume. Allez, messieurs, on peut pas trop tarder. Michael Matthews. Michael Matthews, oui. 7ème. Il en reste 2, le 4ème et le 10ème. Miguel Angel Lopez, avec ses deux podiums. Il est 13ème, il n'est pas dans le top 10. Il y avait Garen Thomas. Ouais, Garen Thomas. 4ème. Ouais. Et Tom Dumoulin, 10ème. Je cherchais dans les français, justement. Du coup, ouais, les deux. C'est bien, c'est vrai en plus. Allez, point pour Guillaume et victoire de Guillaume, net et sans bavure ce soir pour le quiz spécial cyclisme 2018. Bravo. Merci. On passe à l'agenda, et d'ailleurs tu peux continuer avec le... Voilà. Ah oui, ouais, attention. Non, c'est bon, j'y suis. Tu es donc avec l'agenda football. Exactement, alors cette semaine les clubs sont en pause, c'est les sélections qui prennent le relais avec la Ligue des Nations en football, oui. je cherchais ma phrase, désolé. Ça commence jeudi avec, dans le groupe 1, Pologne-Portugal. Et dans le groupe 2, Russie-Suède, quand même, quart de finaliste de Ligue des Champions. Et un petit Kosovo-Malte. Ouais, c'est bon ça. Merci. Voilà, je voulais la placer. C'est bon ça. C'est aussi le jour de France-Islande qui se jouera à Guingamp, un match amical à 21h. Vendredi, Belgique-Suisse et Croatie-Angleterre à suivre en Ligue des Nations, et le Brésil qui jouera un match amical contre l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est à Wembley. On va punir ça. Voilà. Pas mal. Samedi, un seul gros match, Pays-Bas-Allemagne dans le groupe de la France de la Ligue des Nations. Et dimanche, Pologne-Italie et Russie-Turquie en Ligue des Nations. Le Portugal qui jouera en Écosse en match amical. Et tu l'as dit tout à l'heure, le football féminin avec le MHSC qui se déplace à Lyon. Merci. Au niveau du tennis. Au niveau du tennis, Masters de Shanghai, on a un gros match cette nuit. C'est Shapovalov, Basilashvili, ce sera mon pronostic. Non, pardon, ce sera pas mon pronostic. Il y a un autre gros match, c'est Tsitsipas Kachanov, Benoît Paire contre Carreño Busta, Gasquet qui va jouer contre Leonard de Mayer, Shapovalov, Basilashvili, je l'ai dit, Chardy qui va jouer avec Djokovic, ça va être compliqué, et Tim Matthew Ebden. Merci pour le tennis. Pour les gros matchs. En rugby. En rugby, c'est le début de la Champions Cup. Et puis je vais faire plaisir à ton ami Perpignanais. Sachant que je vais aussi démarrer avec le premier match français dans cette Coupe d'Europe. En Challenge Cup, du coup. Mais c'est quand même le retour sur la scène européenne de l'USAP. Vendredi soir pour Perpignan qui recevra les Sail Sharks, les Anglais. Trois matchs samedi ensuite. Basse rugby contre le Stade Toulousain. Les Clanéclis Scarlets contre le Racing 92. Et le MHR contre Édimbourg. Et dimanche, trois autres matchs également. Avec pour les Français, hein, ça fait déjà beaucoup de matchs à citer. Gloucester, Castres Olympique, dimanche 14h. Au même horaire, Lyon, Cardiff Blues. Et enfin, en clôture pour nos clubs français, à 16h15, un rugby club toulonnais, Newcastle Falcons. Est-ce que tu as des résultats, des agendas pardon, d'autres sports, et notamment peut-être des sports mécaniques? Des sports mécaniques, je crois qu'il n'y a ni Grand Prix de F1 ni de MotoGP. Non, le rallye, je n'ai pas vérifié. Je pense que je crois que c'est plus tard aussi. Par contre, je vais peut-être te donner le cyclisme tout de suite. Oui. Ça fait partie des autres sports cette semaine. Donc l'Italie est mise à l'honneur en cette fin de saison, comme chaque année, avec trois courses importantes. Les trois vallées varésines demain, Milan-Turin mercredi, qui est la plus vieille course du calendrier cycliste, je le précise. Je crois qu'elle date de 1876, si je ne me trompe pas. Et surtout, un des cinq monuments du cyclisme dont on parlait, le Tour de Lombardie, classique des feuilles mortes aussi, samedi 13 octobre. Classica de la feuille morta. Voilà, ouais, traduction. Ouais, à peu près. Yes. Quasiment, ouais. Donc, en présence, bien sûr, du nouveau champion du monde, Alejandro Valverde. Romain Bardet. Alejandro Valverde, je suis désolé, c'est la vie, les gars. Et de nos Français, Bardet, Pinot, Alaphilippe. Et puis le chrono des nations qui sera dimanche aux Herbiers, du coup, qui sera le dernier moment vraiment sur un vélo de notre Sylvain Chavanel national. Ok. En sport montpellierain, on le rappelle, Lyon, MHSC féminin dimanche. Au niveau du handball, le MHB se déplace à Ponto mercredi et reçoit, on l'a dit tout à l'heure, Veszprém samedi à 17h30 à l'Arena. Le MHR contre Édimbourg, samedi. Et on le rappelle aussi, l'AS Romagna contre le MRC dimanche pour le rugby féminin. Le pronostic de la semaine proposé par notre cher Tim. Ouais, alors je sais pas si vous connaissez un peu en tennis. En pronostic, j'ai choisi Tsitsipas Kachanov parce que les cotes sont pas mal en tennis. Duel de Next Gen. Ouais. Pour vous donner les cotes, Tsitsipas est à 2,10, Kachanov 1,65. Et du coup, tu nous conseilles quoi? Moi, je mets à 2,10, moi je tenterai Tsitsipas. Il me semble quand même un peu émoussé en cette fin de saison. Mais sur un match. Sur un match de 10, ça se prend. De 10, ça se prend. Ouais, ça n'est pas non plus impérial. Ok, alors messieurs, vos pronostics? Ouais, je vais le prendre, ouais. De 10, Tsitsipas. Tsitsipas Kachanov, on a dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux pas mettre les deux? Ah ouais, bah oui. Tu peux pronostiquer. Match nul! Tu peux dire par exemple match en 3-7 sans donner de vainqueur. Je crois que t'as un 85. Non, mais on va la jouer un peu classique. Moi, je dirais Tsitsipas quand même. Ouais. Moi, je dirais plus proche de cette ère, Kachanov. Plus si on veut, ouais. Moi, c'est tout relatif. Ouais. C'est ma seule explication. Alex. 3-7, le grec. Ah ouais, d'accord. Il n'arrive pas à le prononcer. Tsitsipas. Ouais, ça c'est très probable. Est-ce que tu as d'autres cotes à nous proposer sur ce Master 1000 là de Shanghai? Écoute, ouais, il y a des cotes pas mal. Alors je peux vous donner un bon combiné, c'est Shapovalov contre Basilashvili. C'est un match un peu impronosticable parce que c'est deux joueurs en forme. Je mettrai 3-7 à 2-20 sans donner de vainqueur. Ensuite il y a Benoît Paire contre Carreño Busta. Benoît Paire à 1,60 en forme, je prends. Kukushkin contre Adrian Ramos, qui est plus qu'un fantôme sur le circuit ATP, 1,45, je prends. Fuksovits en forme, qui fait une grosse fin de saison, qui joue Gaucho aussi, qui est un joueur largement à sa portée, 1,60, je prends aussi. Et Kyle Edmund, 1,50 contre Krajinovic, je prends. Ça fait une cote à 11. C'est pas mal. Ouais. C'est ton petit combiné. C'est mon petit combiné tennis du jour. Ok, donc pour les plus assidus des pronostics, voici le petit combiné de Tim. 10 euros à perdre, donc. Ce qui sera une habitude. Mais 5 euros, on sait jamais. Maintenant, c'est noté. Ce qui sera une habitude d'ailleurs de. Oui, une nouvelle petite chronique dans les pronostics de la semaine. Pour voilà, les tipsers. Réalisé par. Sponsorisé par notre team. Voilà. D'ailleurs. Au niveau du classement des pronostics, oui, 4 points pour Paul, 3 pour Théo et Guillaume, 2 pour Romain, Thibaut, Tim et moi. Voilà. Un peu en retard, un peu en difficulté. On est loin à Hamilton quand même. Ouais. Non, juste dans les autres sports, j'ai fait passer que le cyclisme. Je pensais que tu avais compris que je n'avais pas donné les autres. Ah. Donc, très, très brièvement, surtout que je vois que nous avons dépassé notre horaire, préciser qu'il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse qui sont en cours et qui sont en plus à suivre sur France Télévisions. Et que j'avais annoncé que c'est un grand succès populaire. Ouais, grand succès, avec des sports un peu atypiques. Je suis tombé dessus. Vous verrez ça. Et puis aussi que j'avais annoncé que je parlerais de surf et. Pourquoi je n'ai pas parlé de surf? C'est parce que les conditions climatiques ne l'ont pas permis et donc la manche de surf du côté d'Osgore est à suivre toute la semaine. Et d'ailleurs, j'ai pu noter la performance du jour avec Vaïne Fierro, la française, qui a éliminé aujourd'hui Caroline Marx. Donc c'est la sensation de la journée pour la Tahitienne. Donc à suivre le Quicksilver Pro France chez les hommes et le Roxy Pro France. Pour ceux qui aiment les grosses vagues puissantes. Un peu déçu, personne n'a fait blague sur Marx, mais bon, on va continuer. Ça aurait pu. Et championnat du monde d'Ironman à Hawaï aussi. Ok. D'accord, et tournoi de pétanque Je cherche, mais là j'ai pas de vendre à Mogio. Mais est-ce que c'est un championnat du monde, tu vois? Je sais pas. Bon, merci Romain pour cette précision. Je vous remercie d'ailleurs tous les chroniqueurs ce soir d'avoir été avec moi pour cette émission. Avec plaisir. Spéciale. Oula, le chips. Ouais, avec plaisir. Merci aux invités. Et notamment au Krebs de nous avoir ramené des invités golf, ce fut un plaisir. Et remercier la technique évidemment, Arnaud, merci à toi. Et on souhaite bonne chance, même si je sais qu'il est déjà passé à Yacine qui passe demain à Question pour un Champion. 18h10 sur France 3. Grand événement. Donc regardez-le demain, Question pour un Champion, Yacine. Force et honneur. Et nous on va finir avec le son de la semaine, c'est la Ryder Cup, la victoire finale de la Team Europe dans cette Ryder Cup. Francesco. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour toujours les mêmes horaires, 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. See you soon, guys. Bonne soirée. The trophy was presented to Thomas Bjorn. It's Team Europe. There's nothing quite like the Ryder Cup. The USA's long wait for a win out with the States will go on a little longer. It's now going to be 29 years since they last won away. A great week for Team Europe. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.